vous êtes assez fou. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Tania nous divertira comme jamais dans sa chronique Tania is gonna entertain ya, et on goûtera quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé possible dans une grosse pointe d'allresse. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Reiki. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Reiki. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 14 janvier 2016, 103 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania, ça va? Ça va bien, ça va fatigué. Ça va très fatigué. Ça va congeler aussi. Ton auto ce matin. Ouais, j'ai eu de la difficulté à enlever la glace de mon pare-brise ce matin. Je crois que les gens te comprennent à la maison. Mettons. Ou en voiture. Hein? Ouais. De mon côté, hier, j'ai marché toute la soirée pour aller chez le médecin. T'sais. Puis là, je suis revenu, j'ai un nouveau spray pour le nez. T'sais. J'ai une sinusite, comme je dis à tous les jours, pour excuser ma voix nasillarde matinale. Puis ce matin, j'ai de la misère à me lever. J'ai oublié mes Kleenex, là, j'avais mon spray à mettre. Là, ça arrêtait plus. Ça arrêtait plus de finir. Mais nous voilà enfin. Oui. À peine en retard. On est là, à peine. À peine plus que d'habitude, en fait. Presque pas. Presque pas, parce qu'en fait, on est arrivé à la fin de la chanson, comme à chaque matin. Comme à chaque matin. C'est ça, j'arrive tout le temps. Ou sauf que la chanson commence après le bumper de pré-Reiki. Ouais. Tu sais, quand ça dit de retour après la pause. Mm-hmm. Là, la chanson commence, c'est tout le temps là que j'arrive. Il faut attendre la fin de la chanson. Quand même. Et voilà. On n'est pas pour vous couper une chanson. Ben non, quand même, ça se ferait pas. On n'en joue jamais dans l'émission de la musique. Aussi bien vous laissez finir la chanson quand même. Et voilà. Donc aujourd'hui, l'émission, comme un plan assez chargé, là, je me suis rappelé qu'on a un invité spécial aujourd'hui pour parler de danse tantôt. Oui. On va voir ça. Ta collègue à toi s'en vient, Tania Sgolantitania. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'en vient dans ta collègue? Bien, comme hier, j'ai pas fait la mienne. Je vais faire celle que j'étais censée faire hier. Puis je vous parlais un petit peu que j'allais discuter de certains métiers, certains domaines d'études aussi, parce que je pense qu'on s'est tous déjà posé la question. J'aurais-tu vraiment dû étudier là-dedans? Mm-hmm. Est-ce que je ne devrais pas retourner aux études? Alors, je parle un peu de ça ce matin. Une éternelle remise en question pour toi, Tania. Ouais. À ton jeune âge. À mon jeune âge. C'est ça. Même pas un quart de vie de fait. Même pas. J'ai envie de te remettre en question. On a aussi notre classique du jeudi, c'est-à-dire une grosse pointe d'allresse où on goûte à quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a besoin, toi et moi. De caféine? Non seulement ça, mais du sucré aussi. Oh! Combine les deux ensemble. Oh, quand même. Mash-up. C'est intriguant, n'est-ce pas? Je dois t'avouer que hier soir, j'ai goûté pour la première fois de ma vie à une tarte à la noix de coco. Miam! Et non pas à une tarte au citron avec c'est la crème noix de coco. C'est ça. C'est vraiment une tarte à la noix de coco et c'était très bon. Mm-hmm. Meringue, comme du meringue. Meringue. C'est pas du meringue, qu'on va faire, c'est du swing tantôt. Ah, OK. Il me semble que c'est aujourd'hui. Oui, il me semble que oui. Ouais. Donc, une grosse pointe d'adresse aussi pour goûter à quelque chose. Et puis, on va sûrement s'acheter des gadgets dans l'émission d'aujourd'hui. On devrait avoir le temps de faire tout ça. Mais bon, on verra. On commence, tiens, justement. Non seulement je t'ai bumpé hier à la fin de l'émission par manque de temps, mais en plus, je te fais commencer l'émission d'aujourd'hui. Ben oui. Donc, voici Tania is gonna entertain ya. On va prendre pour l'équipe. Ben, voilà. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias, mais plus sûr. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! Tania Baudin, ton intro aujourd'hui pourrait nous faire mentir un peu. Comment ça? Si je comprends bien là, ta remise en question sur tes études. Et t'es allée à l'école, ben, c'est ça vrai. Dépend. J'ai pas vraiment de remise en question sur mes études. C'est juste qu'il faut comprendre que moi, j'ai étudié dans un domaine qui est quand même assez difficile. La radio. Oui, la radio, la télévision. Puis, je l'ai fait tout de suite après le collégial. Donc, genre à 19-20 ans. À 20 ans, oui. 21, mettons. Ouais. Puis, je l'ai fait dans un collège privé. Donc, automatiquement, ça te donne pas nécessairement un diplôme universitaire. Ah. Mais en tant que... comment pourrais-je dire? Lorsque j'étais jeune, je voulais vraiment un diplôme universitaire. Oui. Je voulais aller à l'université, je voulais me rendre là. Puis je ne l'ai pas fait dans la vie. Tu n'as pas accompli ce crochet sur ta liste. Donc, il y a comme une espèce de manque dans mon besoin personnel d'accomplir quelque chose universitaire. Voilà. Donc, je me pose souvent la question, je devrais-tu pas faire un cours ou quoi que ce soit, un certificat, blablabla, pour simplement ajouter un arc à mon flé. Ah non. Une corde à ton arc. Ouais, une corde à mon arc, ouais. Voilà. Une arc à ton dos. Une arc à mon dos, ouais. J'allais dire une arc à mon flèche, mais non, pas vraiment. Pas ce matin. Va apprendre à parler pour commencer. C'est ça. On va faire ça. Donc, j'ai fait quand même plusieurs recherches parce qu'honnêtement, je me suis posé la question au tout début, je voulais vous parler des métiers du futur. Qu'est-ce qu'allaient devenir les métiers les plus populaires en 2016? YouTuber et autres, là. Blogueur. Ben, c'est ça. Mais je dois avouer que la recherche en tant que telle est très, très difficile sur le sujet parce qu'on dirait qu'il n'y a pas nécessairement d'articles ou de recherche qui a été fait dernièrement sur ça. Si les gens qui écrivent des articles là-dessus, des orienteurs ou peu importe, ouais, vont pas nécessairement vouloir te dire que c'est blogueur et youtuber ta job parce que c'est pas vraiment. C'est pas one job, tu sais. C'est ça. C'est un peu genre n'importe voilà. quoi. Tant mieux, c'est fait de l'argent là-dessus. Ben oui. Mais en faisant cette espèce de recherche-là, à savoir ça allait quoi les métiers de 2016 les plus populaires, ben je suis tombée sur certains domaines d'études qui sont populaires. Qu'est-ce que les gens font? Les métiers les plus payants au Canada. Donc, c'est un peu ce dont on va parler ce matin. Je vais vous présenter un petit peu un espèce de melting pot, en fait, là, comme un croque-pot de tout ce que j'ai trouvé sur Internet dans ma recherche. Parce que, bien évidemment, ma recherche en tant que telle sur la question que j'ai posée n'était pas vraiment très, très concluante. Mmh. Donc, je me suis dit, pourquoi pas quand même rester dans cette sphère-là et discuter de certaines choses qu'on connaît. Hein? Ouais. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question? Pas parce que tu étudies en communication. Même pas, j'ai étudié pour les sites web, multimédia, okay. Des affaires. Ah, mais là, mon Dieu, t'es tellement dans ton domaine? Ben, moyen, ouais. Ouais. Ouais, genre. Tu sais, mettons. Mettons que ça m'intéresse. J'ai fait le cours, puis ça m'a fait comme, non, je vais pas faire ça. Ah ouais, pour vrai, ben, il y en a beaucoup qui font ça, hein. Ouais. Ils arrivent dans leur domaine, au côté universitaire ou même collégial, puis ils font comme, ah... Finalement, c'est ça. Plus tu dis non. mon diplôme que j'ai eu, c'est un AEC, une attestation d'études collégiales, oui. Ça n'existe même plus. Ça. Ouais, ben moi aussi, j'ai ça. C'est ça. Hey, top là. C'est ça. Voilà, c'est fait. Ouais. Eh bien, il faut savoir en fait qu'en 2014, il y a une personne sur quatre âgée de 15 ans et plus, bien évidemment, qui avait déjà un diplôme de soit collégial, soit secondaire ou universitaire. Mais plus souvent, le 1 sur 4 avait déjà un diplôme universitaire. Et en 2014, ils ont tous décidé de retourner aux études. Ouais. Une personne sur quatre se dit « Bah, je vais pas simplement pour retourner aux études pour apprendre un nouveau métier, mais pour vraiment ajouter une corde à son arc. » Ouais. Hey, j'ai vraiment eu de la difficulté encore cette fois-là. Ouais. Et en fait, il faut savoir que cette étude-là a été faite sur 6,5 millions de personnes. Mm-hmm. Donc, 1,4 sur 6,5. Je suis pas très forte en mathématiques, là, mais je sais que ça fait pas mal. T'sais. Meilleur que celle sur Facebook. Là. Ouais, c'est les ça. Gens sur Facebook sont vraiment pas bons en maths. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et bien souvent, en fait, les personnes qui sont titulaires déjà d'un diplôme universitaire ou collégial, mettons, qui veulent retourner aux études pour justement apprendre quelque chose de nouveau ou simplement se donner une espèce de petite pouce dans le dos dans certains domaines. Tu sais, tu vas arriver quelque part puis ils vont te dire « Ouais, mais il manque ça, il manque ça, il manque ça. » Puis tu te rends compte que tu sais, t'as fait ton bac normal, sauf que t'as peut-être pas fait les cours... pas les cours prérequis, mais les cours optionnels que t'aurais peut-être dû, tu sais. Donc, tu peux retourner aux études pour le faire, ça. Complémentarité. Exactement, pour complémenter... Donner un complément. Ah. Ouais, à ton diplôme déjà existant. Eh bien, les domaines dans lesquels ça arrive plus souvent, c'est bien évidemment les sciences humaines à quand même 31%. En sciences physiques et de la vie et la technologie, 30%. Et en fait, c'est eux qui sont plus susceptibles de compléter un autre programme post-secondaire de niveau équivalent ou inférieur. Mmh. Donc, vraiment, d'aller chercher d'autres ressources pour s'accomplir et s'épanouir dans son domaine. Telle une petite fleur. Oui, c'est ça, telle une petite fleur. les trois principaux domaines d'études les plus courants des personnes qui ont complété des études supplémentaires, c'est le commerce, la gestion, l'administration publique à 27 %. L'éducation, quand même, à 18 %, ça me surprend. Et la santé et les domaines connexes qui sont à 13 %. J'imagine que l'éducation, ça découle un petit peu du fait que c'est très difficile d'avoir son espèce de permanence quand tu étudies en éducation. T'sais, j'ai des amis qui étudient pour devenir professeur. C'est vraiment... Ça prend du temps, là. C'est quasiment fâchant. Oui. Et très peu payé. C'est ça. Même chose pour la santé, parce que maintenant, il y a des études universitaires, même pour devenir infirmière chef ou quoi que ce soit. Et ces études-là, bien souvent, ça va être les gens qui vont revenir pour aller chercher d'autres choses, parce que c'est difficile. C'est des domaines qui sont quand même, qui bougent beaucoup. Hein. Donc, bien souvent, ça va peut-être être eux qui vont... je veux pas dire se démoraliser plus rapidement, mais quand tu étudies en médecine pure et simple, tu sais qu'en sortant, tout le monde va se garocher sur toi parce qu'il y en a, tu sais, il y en a pas des milliers des médecins. Même chose pour un plombier, là, tu sais, je veux dire, dans pas long, ils vont avoir le monopole, là, le plombier qui va sortir de son DEP, il va se faire la pièce, là, parce que dans pas long, on n'aura plus. Hein? Ça, c'est quelque chose dont je vais revenir dans pas très, très longtemps. Et en fait, il y a près de 2 personnes sur 5 qui ont déjà complété un diplôme, que ce soit universitaire ou collégial, qui ont été recomplétés un programme complet, mais qui ont choisi le même domaine d'études. Tu sais, tu peux rester dans le même domaine, mais faire une autre branche. Oui, continuer évidemment. Si on veut, oui. Oui, c'est ça, que de leur titre de scolarité le plus élevé. Donc, évidemment, si jamais la personne avait une maîtrise, bien, retourner dans le même domaine, mais simplement faire, un certificat ou un autre bac. Et c'était particulièrement fréquent chez celles qui ont étudié en commerce, en gestion, en administration publique, en santé, en éducation, en architecture et en génie. Tu vois, je pensais pas que ça allait sortir. Ça? Architecture, génie. Pourtant, ce sont des domaines que si tu te places en temps normal, tu vis bien. Non? Ah, c'est ça. Oui, ben c'est ça. C'est ce qu'on en pense tous, mais apparemment que non. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas. Est-ce que tu savais que 70 % des gens qui ont complété un autre programme d'études que celui qu'ils avaient déjà gagnent approximativement 800 $ ou plus par semaine. De plus, wow. Comparativement à 67 % de ceux qui n'ont pas un deuxième degré d'études. OK. C'est fou? Ça, ouais. 800 $ de plus par semaine, ça vaut la peine. Pourquoi pas? Avoue que là, tu te remets en question. Ça vaut plus la peine que le Powerball. Hein? Mais hein, c'est... Ouais, pas mal. Il y a eu plusieurs différences qui ont été marquées dans les salaires hebdomadaires qui ont chez les employés dont le diplôme le plus élevé était en art visuel et interprétation et en technologie des communications. 65 % de ceux qui ont complété un autre programme, comme je disais, dans ces domaines-là, en fait, gagnaient eux aussi approximativement 850 $ de plus par semaine, comparativement à 49 % de ceux qui ne l'ont pas fait dans ces domaines-là. Ouais. Donc, tu vois, tu sais, j'ai déjà un... Et là, si je retourne aux études, ça me donne 850 de plus dans mes papas, moi le faire. Hein? On n'a pas de tort de bras. Hein? Mais c'est ça. Ouais. C'est si t'aimes étudier en plus, je vois pas pourquoi ça serait complexe. T'aimes ça étudier? Je suis une fille qui aime beaucoup découvrir. Oui, la curiosité. Oui, la curiosité. Puis c'est un petit peu pourquoi j'ai étudié en communication, en animation, en télé-radio. Parce que, veux pas, si tu animes, tu peux faire pas mal. Pas n'importe quoi, mais tu peux toucher à n'importe quel domaine. C'est varié, tu peux t'informer. Puis c'est ce que j'aime beaucoup, je dois l'avouer. Je parlais un petit peu des métiers du futur. On entend beaucoup, beaucoup parler ces temps-ci des gens qui se partent eux-mêmes en affaires. Cette espèce de fibre entrepreneuriale-là, il y a une étude, en fait, il y a des questionnements qui ont été posés à des enseignants de l'ESG de l'UQAM à Montréal, à savoir, est-ce que les Québécois ont cette fameuse fibre entrepreneuriale-là? Parce que ça se voit beaucoup aux États-Unis, tu sais, on parle des YouTubers et tout ça. Ouais. Veux pas, c'est être entrepreneurial, de devenir sa propre brand et de faire, tu sais-tu quoi, moi, je lâche le Subway puis je me pars une chaîne YouTube puis dans 5 mois, j'ai de l'argent. T'sais? À temps plein, oui. C'est ça, à temps plein. Puis ça marche. Ça fonctionne. C'était bon, c'est un talent. Oui. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Non. C'est ça. Mais semblerait que si tu t'y mets vraiment beaucoup. Tu mets beaucoup d'efforts dessus, surtout sur la publicité puis tout ce qui va y être. C'est très payant. C'est du temps, c'est de l'argent. L'équipement, mais une fois que l'équipement est acheté... Je dois avouer que l'équipement pour faire tout ça est assez coûteux. Moins pire qu'avant. Ah ouais, tu trouves? Ah, ça a baissé les prix pour ça, les caméras. Ben, c'est surtout que tout le monde en fait, hein. Fait que j'imagine qu'il y a comme une demande. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce que l'on dit par rapport à ça et les Québécois et leur fibre entrepreneuriale? Bien évidemment, simplement pour vous mettre en contexte, les réponses vont être données soit par Yves Plourde, qui est président directeur général d'entrepreneuriat Laval, et des profs de l'ESG UQAM. Et en fait, ils disent que simplement, le désir des Québécois d'entreprendre est là, mais c'est la peur de toujours... devoir se dire qu'ils ne vont pas réussir. Ouais. Et t'es déjà confortable dans ce que tu fais, peut-être aussi. Oui, ben peut-être. Certains ont commencé simplement pour le plaisir de le faire, et d'autres ont commencé comme complément. C'est un petit peu comme la vente directe, en fait, je dirais. On voit beaucoup ça aussi, surtout, ces temps-ci. Le Tupperware, etc. Ouais, Tupperware, maquillage, bijoux. Il y en a que c'est de la télécommunication. Je vais pas m'aventurer sur ce terrain glissant parce que il y en a beaucoup qui sont discutables, je dirais. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont questionnables. Ouais. À savoir, est où cette espèce de, je vais pas dire limite, mais l'égalité, là. Surtout dans la vente directe comme ça. Parce qu'en fait, tu vas recruter des gens pour que ces gens-là recrutent des gens. C'est un peu pyramidal. Ouais, OK, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, j'ai un petit peu de difficulté avec cette espèce de vente directe-là. N'arrête pas de te vanter le fait que c'est le président qui fait le plus d'argent dans la compagnie. Ben ouais, c'est sûr. C'est ça, exactement. Ils font sur le dos des autres. Hein? Mais eux aussi, ils dépensent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à justement essayer d'aller recruter ces gens-là. Donc, bien évidemment, ils ont la fibre entrepreneuriale. C'est ça. Veux pas. Mais est-ce que les Québécois, en général, le son, eh bien, en fait, la génération jeune, je dirais la nôtre, ceux qui vont venir, ça va se développer de plus en plus parce qu'ils baignent là-dedans présentement. Ils les voient, ces espèces de YouTubers-là, ces gens qui décident de... pas d'arrêter leurs études, mais certains vont le dire. Ils seront pas gênés de dire, ben, j'étais à l'université, j'aimais pas le domaine, j'aimais pas ce qu'on m'enseignait. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire les choses à ma manière? Et ça, c'est vraiment très, très générationnel, là, de dire, je vais faire les choses à ma manière. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent, ben non, mais je veux pas cet emploi-là parce que je dois faire ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Ouais. Soit tu m'engages à mes termes, ou soit je prends pas ta job. Mais c'est bon. En tout cas, ça, c'est un autre débat. On pourrait en discuter longtemps. En temps normal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est comme ça que ça va devenir, parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'ils voient tous les jours. Veux pas... tu veux écouter une vidéo sur YouTube, tout le monde va dire la même chose. Ouais. J'aimais pas me faire dire quoi faire au travail. Fait que je me suis dit, pourquoi pas devenir mon propre boss? Mais ça, c'est un petit peu inquiétant, en fait. Le rêve américain. Oui, le rêve américain. Mais c'est un petit peu inquiétant sur le fait que, justement, tantôt, je parlais de plombier. Ouais. Va se passer quoi avec ces espèces de domaines d'études-là ou de métiers-là? Tu sais, si tout le monde décide d'avoir la fameuse fibre entrepreneuriale, là, le gars qui va sortir de son DEP, là, après ça, tout le monde va chialer sur le prix que le plombier charge. Hein? C'est vrai. Mais ça va être le seul qui va avoir des études dans son domaine. Donc oui, bien évidemment, si tu te ramasses avec cette espèce de monopole-là... Tu montes les prix. Tu montes les prix. Pourquoi pas? C'est toi qui as les ressources, puis c'est toi qui as les connaissances pour le faire. Fait que tu vas faire payer le monde, bien évidemment. Ah, moi, j'ai tant mieux pour eux autres. Ben oui, moi aussi. Moi, je pense que de toute façon, il va toujours y avoir de ces gens qui vont se dire, non, moi, j'aime mieux travailler pour les gens, aider les gens, donc exemple, infirmière, tout ça. Mais la fibre entrepreneuriale, puis tout ce qui est devient ton propre boss, prend de très grandes places présentement. Et ça s'en vient de plus en plus vite ici au Canada. Mais par contre, au Québec, le passage à l'acte est certainement plus élevé par rapport aux provinces de l'Atlantique. Ça, c'est C'est quelque chose qui est sorti dans l'étude, mais c'est beaucoup moins agressif qu'en Alberta et en Ontario. C'est ce que note le directeur général du Centre d'entrepreneuriat de l'UQAM ESG et le chargé de cours Michel Grenier. Donc, parce qu'en fait, selon lui, c'est l'essor économique qui est moins grand et que l'engouement pour la création de richesses est plus faible aussi. Donc, les Québécois auraient moins ce désir-là de devenir riches. Ah, OK, c'est ça qu'on en retient. Ou de faire de l'argent. Il va toujours y avoir une catégorie de monde aussi qui veulent juste travailler avec le cerveau éteint, tu sais. Ils vont travailler à la chaîne. Ouais, ben, le cerveau éteint, oui ou non, mais il y en a qui aiment ça se faire diriger, il y en a qui aiment ça se faire dire quoi faire. Donc, bien évidemment, pour certains, c'est beaucoup plus facile de simplement aller, comme tu le dis, en usine ou de faire un travail qui va découler de quelqu'un. Mais pour ce qui est d'être son propre boss... Bien là, en 2016, je pense que c'est comme un incontournable. On est là-dedans. Ça va devenir de plus en plus gros. C'est ce qu'on veut. On vit ça. Ouais. Si ça marche pour toi, je te félicite. Ben oui, ben j'ai pas vraiment l'intention de devenir mon propre boss. Même pas à temps partiel? Même pas genre avoir un job, mais aussi être blogueuse ou peu importe? Ben, je pense que je le fais déjà un petit peu présentement. Par contre, je vais t'avouer que c'est pas très, très payant. Mm-hmm. Pour le moment. C'est ça, mais il faut travailler longtemps. C'est ça, exactement. C'est pour ça que je vais ajouter des cordes à mon arc. Hé, hey, on a retenu l'expression. Et voilà. Hey, hey. Je vous parlais des emplois les plus payants au pays, ouais. Au Canada. C'est quand même... je pense que ce sont des métiers, des domaines que l'on voit tout le temps revenir dans les domaines les plus payants. Les classiques. Des classiques, en effet. En dixième position, c'est les banques, crédits et finances. Donc, tout ce qui est administration, tout ce qui est... je vais pas dire marketing parce que c'est pas vraiment nécessairement la même affaire. Mais comptabilité et tout ça. En fait, les compétences solides en mathématiques puis en économie pourraient vraiment aider à obtenir un diplôme menant à des salaires très, très, très prometteurs. Il y a un marché de l'emploi très accueillant présentement. Selon l'article du US News et World Report, le salaire d'un économiste est de 47 300 $ en début de carrière. Mmh. Et ça peut monter jusqu'à 97 700 $ à mi-parcours. Mais, je tiens à le dire, c'est un article du US News. Oui, États-Unis. Donc, si on transporte ça du côté canadien, le salaire d'un statisticien commence à 49 000 $ et le salaire à mi-parcours à peu près est de 93 800 $ Je trouve pas qu'il y ait une si grande différence que ça, mais quand même. Ouais. Puis, un diplôme combinant les mathématiques et les sciences informatiques, donc j'imagine actuariat, comptabilité, puis tout ça... ça peut ouvrir la voie à un emploi payé près de 100 000 $ par année en début de carrière. Wow! Là, t'es comme à mi-parcours de l'autre, mais dès le début. Ouais, wow. ouais. Puis les salaires dans le secteur de comptabilité, juste au Canada, ça peut commencer par contre à 35 500 $ et atteindre 75 700 à mi-parcours. Tu commences un salaire plutôt normal, c'est mais ça. Après ça, tu deviens quand mais même après ça, c'est... C'est bon, c'est bon. Ouais. J'aurais peut-être dû faire mes maths fortes. T'as encore le temps. En neuvième position, c'est le domaine du génie, l'ingénierie. Donc, une maîtrise en génie électrique rapporte un salaire moyen de 121 000 $ par année selon Monster.com. Il est tellement et également avantageux d'obtenir une maîtrise de génie chimique. Là, on calcule à peu près 117 000 pour génie chimique et mécanique 105 000 et au civil, un génie civil, là, ceux qui font les ponts et tout ça. Ouais. Ça tourne autour à peu près de 99 000 selon payscale.com au Canada. Pas pire. Pas pire, hein? Ça se prend bien. Apparemment, si on va vraiment encore plus se spécialiser en génie, si on va en génie pétrolier ou en génie aérospatial, là, ça, c'est les domaines d'ingénierie les mieux rémunérés au monde. OK. Je suis comme, bon! Ouais. Mais j'imagine que, tu sais, les études viennent avec. Là. C'est ça. Faut que tu sois très, très intelligent pour pouvoir être génie pétrolier et aérospatial. Pas juste dire, j'aimerais ça être ça, ouais, puis c'est aller ça. Le faire. Tu sais, il faut croire en ses rêves, mais à un certain moment... Sois réaliste aussi, hein? C'est ça, exactement. En huitième position, bien évidemment, le droit, le domaine du droit. J'ai pas de chiffres sur le salaire moyen, mais je connais quelques personnes qui ont étudié en droit et qui étudient en droit et ouais. Selon la marge de crédit qu'on te laisse, j'imagine que c'est payé au bout d'une couple d'années. On peut raconter juste la parenthèse que genre On t'offre une marge de crédit de comme 100 000 $ genre. Ouais, parce qu'en temps normal, lorsque tu étudies à l'université et que tu fais une demande de marge de crédit, on va te demander ton domaine d'études pour évaluer en temps normal dans combien de temps tu serais capable de remettre la marge de crédit à zéro et combien est-ce que tu gagnerais par année. Mais bien évidemment, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas arriver au terme de ce que tu veux. Non, pis ça ne leur dérange pas du tout. Ça. Ouais, quand tu es endetté de 100 000 $ et tu n'as pas fini ton diplôme. OK. Ah, c'est ça. En septième position, les postes de direction de télédiffusion. Ah, wow! Ça me surprend quand même. Mais il n'y en a pas beaucoup, là, ça. Non, il n'y en a pas beaucoup, mais je pensais pas que ça allait se ramasser dans les 10 emplois les plus payants au Canada. Ouais. En fait, cette catégorie-là est plutôt large, là. Ça englobe les directeurs généraux de plusieurs types d'entreprises. On peut y inclure aussi les stations de radio, les magasins à grande surface, les magasins à rayons et les grandes entreprises, bien évidemment. Donc, lorsqu'on devient directeur, le salaire moyen, en fait, est d'à peu près 125 000 $ en moyenne par année au Canada. Il faut au minimum un baccalauréat dans une discipline appropriée et une certaine expérience pour espérer décrocher un emploi dans ce domaine-là. Mais, tu sais, là, ça, c'est plus du marketing, c'est plus de l'administration, encore une fois. Donc, mais du côté télédiffusion, je pensais pas que ça allait se mettre là-dedans. C'est au moins dans ta branche. Tu pourrais te rendre jusque-là si tu voulais vraiment. Si je voulais vraiment. Ben oui. Si je voulais vraiment. Pourquoi ouais. Crois-y. En sixième position, le domaine des dentistes, les dents. Ben oui. Ici au Canada, j'imagine qu'on doit avoir de belles dents. Ben la plupart du temps, les Canadiens, ils se font rarement dire qu'ils n'ont pas de belles dents. Je sais pas. Ah, tu sais pas? Je sais pas s'il y a un stéréotype là-dessus. Oui. Je sais qu'il y en a un contre les Anglais qui ont de pas belles dents. Oui. Mais au Canada, j'ai entendu genre les Canadiens ont de belles dents. J'ai entendu que les Canadiens sont polis. J'ai entendu que les Canadiennes sont les plus belles femmes au monde. Ah oui, OK, oui. Dû à leur sourire. Donc, j'imagine que ça découle de là un petit peu. Peut-être les dents, oui. T'as raison. Peut-être. Enfin, un diplôme de dentisterie va permettre d'embellir le sourire des patients, bien évidemment, en remportant un salaire qui va vous faire sourire aussi. Parce qu'au Canada, un dentiste gagne en moyenne 142 000 $ selon Statistique Canada. Wow. Il faut compter, bien évidemment, 3 ans d'éducation universitaire et plusieurs années à l'école dentaire pour devenir dentiste généraliste. Ouais. Ça, le 142 000 $ je tiens à le dire, c'est dentiste généraliste. Il y a des spécialisés là-dedans. Ouais. Si vous obtenez un doctorat en chirurgie ou en médecine dentaire, dont les exigences, évidemment, universitaires puis éducatives de base sont identiques, mais c'est sûr que vous allez être plus longtemps à l'école. Mm-hmm. Ça peut aller jusqu'à 200 000 $ par année. Oui, par année. Je tiens à le dire, c'est pas 200 000 $ d'une vie, c'est 200 000 $ par année. Mais si vous voulez pas vraiment aller du côté poussé du domaine d'études de la dentisterie, il y a les assistantes dentaires qui gagnent entre 45 000 et 60 000 $ par année. Et le taux de chômage dans ce domaine-là est seulement de 2,5. Wow! OK, c'est presque rien. Ouais, fait que finalement, on devrait tous devenir dentistes. Ben oui! c'est peut-être ça la solution dans la vie, finalement. Ah ouais. Les cadres, en cinquième position, c'est les cadres supérieurs des industries pétrolières, minières, la construction de grands ouvrages, les petites enveloppes brunes. Non, excusez, c'est pas ça que je voulais dire. Wow. Commentaire éditorial? Ouais, c'est ça. En fait, les directeurs d'usines, que ce soit une raffinerie, une exploitation forestière, le domaine du transport, manufacturier, ça roule autour de 160 000 à 180 000 $ par année. Et pour y décrocher un emploi, bien, il faut un baccalauréat ou une combinaison de formation et d'expérience équivalente, plus ou moins 5 ans d'expérience acquise dans le champ spécifique d'emploi pour lequel on recherche ou on postule. Donc, en fait, si tu désires travailler du côté pétrolière, ben, on dirait que comme je me demande qu'est-ce que tu peux faire comme style d'étude. Je me demande aussi. C'est difficile, hein? J'imagine qu'il faut que tu fasses un baccalauréat en génie, puis après ça, tu vas travailler côté pétrolier, puis tu peux devenir cadre supérieur pétrolier. Peut-être. Mais tu sais, c'est... Prends du temps. Des fois, il faut travailler, c'est ça. Oui, parce que là, si vous vous rendez compte, là, tout ce que je vous nomme là, c'est pas tu sors de l'université, puis automatiquement, tu fais ça, là. Tu sais, c'est plusieurs années d'études. Il y en a que ça doit mener jusqu'à 30-35 ans, là, c'est certain. Là. Tu vas manger des ramen au début, là. Oui, c'est sûr. Puis des buried birds. C'est ça. En quatrième position, c'est les cadres supérieurs dans le secteur financier, les communications et autres services. En fait, on parle des lignes majeures ici. Okay. Là. Mm-hmm. Ça tourne autour d'à peu près 160 000 $ par année. Donc ça, ça englobe les directeurs de marketing, les directeurs généraux, directeurs financiers, vice-présidents, ressources humaines, blablabla. Le domaine qu'en temps normal, on voit beaucoup de gens aller vers ces domaines-là. Ouais. Bien souvent. Des gens bien placés. Oui. À la fin, oui. Oui, en effet. En troisième position, tantôt je parlais de droit, c'était beaucoup plus visé vers les avocats. En troisième position, c'est vraiment les juges. OK. En fait, c'est si la justice est aveugle, elle n'est pas désintéressée, bien évidemment, parce que le salaire annuel des juges au Canada est d'à peu près 180 000 $ par année. Oui. Mais ça vient avec le taux de tâche qui vient avec. Oui. Là. C'est la pression et le stress. Ouais, et le, c'est ça. Tu décides si lui va en prison ou non. C'est ça. Pour 25 ans c'est ou lourd. Non. C'est lourd. Ouais. C'est ça. C'est beaucoup de pression, mettons. Tu dois avoir chaud avec la bille aussi. Sûrement. En fait, pour devenir juge, tu sais, il y en a, ils doivent dire OK, j'imagine, il faut que je fasse mon droit, mais après ça, je fais quoi? Bien évidemment, comme je viens de le dire, il faut faire son droit, il faut être avocat et avoir pratiqué au moins pendant 10 ans avant d'être sélectionné et être évalué par un comité de sélection. Et là encore, vous n'êtes pas juge. OK. Vous avez seulement postulé. Le comité de sélection, je me demande s'il est composé de juges. Ah! Parce que le juge est jugé par des juges. Peut-être. Et on est toujours jugé par ses pairs. Du gouvernement. Peut-être, ouais. Si c'est toi la qui... La couronne, ouais. La reine elle-même. Ah, peut-être. La reine elle-même, ouais. peut-être. En deuxième position, c'est les médecins généralistes et les médecins de famille. Okay. Avec un salaire annuel de 265 000 $ par année, les médecins occupent une place quand même assez enviable dans le palmarès des emplois les plus payants au Canada. Ouais. La médecine, c'est bien plus qu'une simple vocation. Là. C'est comme une passion et ça... Ça, je dois le dire, c'est beaucoup d'années d'études, beaucoup d'années de pratique et tout ça. Et bien souvent, lorsqu'on commence, on ne va pas être à 265 000 $ par année. Hein. Lorsque vous êtes étudiant en médecine, oui, il y a comme une espèce d'alternance travail-études, mais quand même. Allez-vous chercher la marge de crédit qui va avec. C'est ça. Et si je me fie à mon médecin de famille que j'ai vu hier soir, oui. Ça a duré 6 minutes, mon rendez-vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'il en passe. Il en passe du monde dans une journée. Exactement. Ah ouais. Mais tu le ferais-tu? Non. Et voilà. Voilà. C'est pas félicitations tout le monde... à lui. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, le, en fait. Les. L'apostrophe. Les, le domaine le plus payant au Canada, c'est médecin spécialiste. Ben oui. Donc, en moyenne, les docteurs gagnent 385 000 $ au Canada. Pour y parvenir, en fait, il faudrait faire des dépenses. Donc, 17 écoles de médecine existent au Canada. Mm-hmm. Donc, 14 sont anglophones, seulement 3 sont francophones. Mm. L'Université McGill est première au classement des écoles de médecine du magazine Maclean. Et en 2012-2013, les frais de scolarité de première année s'élevaient à 5 651 $ et 10 sous pour les résidents du Québec, 14 362 pour les résidents canadiens. OK. Fait que tu sais, quand on chiale ouais, que nos études très, nous ouais. coûtent cher. Excusez, mais tu sais. Bah, c'est ça. Hein? Et 38 731 000 pour les étudiants étrangers. Pas toi, tu pars, tu t'en vas ailleurs. Lui, il arrive puis il vient étudier ici au Canada. Ouais. Ça lui coûte le double d'un Canadien ouais. et approximativement 6 fois plus cher qu'un Québécois. Tu sais? C'est juste ça comme ça. Faut ajouter aussi environ 2 800 $ pour les imprévus. C'est ce que les imprévus, j'imagine que ça, c'est... j'imagine si tu dors en résidence ou peut-être, quelque chose ouais. comme ça. Un autre type d'emploi dans le domaine médical qui vous conviendrait peut-être mieux, c'est un infirmier chef ou infirmier qui gagne en moyenne près de 75 000 $ par année. Et les gestionnaires de soins et santé, 86 000 $ selon CanadianBusiness.com. Wow. Donc, médecin spécialiste, c'est payant. C'est ça, on s'inscrit où pour ça? Mais, c'est ça. Mais tu vas-tu vraiment faire les comme 15 années d'études qui découlent de ça? Imagine, t'as pas. C'est une bonne passion, partie de ta vie, là. Ouais. Imagine, tu commençais là, t'aurais. Combien t'as dit d'années? 15? À peu près. Tu serais rendu à genre 38 ans. Non, c'est ça. À la fin. Tu sais, il te reste pas grand temps de pratique, là. C'est ça. Et il fallait y penser avant. Mais il y a des médecins qui restent extrêmement longtemps. Oui. Hey, je fais juste penser au mien, là. Ton médecin? Mon médecin de famille, là. Ouais. D'être avec. Ah, pauvre petit. Tu sais? Ouais. Il y en a qui sont vieux. Mais à ce prix-là, tu restes le plus longtemps possible. Ben, c'est sûr. Tu fais la pièce. Et tu veux profiter de ta retraite avec l'argent que tu as fait aussi. Oui, bien bon. Évidemment. Voilà. Hey, c'est tout. C'est ce que c'était mes recherches. C'est rempli de d'informations pertinentes. Oui, mais c'est sur ça, en fait, que quand j'ai tapé « métier futur » en 2016, c'est toute cette espèce de recherche-là qui m'a sorti, puis je trouvais ça quand même très intéressant de voir tout ça. Fantastique, beau travail. Merci beaucoup. J'ai une petite chanson. Ouais, allons. Attends, je vais juste aller chercher le titre parce que je Let me Let it happen. Let it happen, parce que tu sais, des fois, là, on se pose la question, je devrais-tu faire ça, je devrais-tu pas faire ça? Let it happen, vas-y comme tu le sens, puis au pire, fais-le. Let it go. Let it go. Ah, oh, j'aurais dû faire jouer ça. C'était même pas là. Assemblage Ricky. C'est comme t'allais me dire, hey, t'es même pas là pendant la chronique. T'es même pas là mentalement. It's never been clear. Tame Impala, Let It Happen. Ah, sur la joie. C'était bon. C'était très bon. C'est dans la chronique de Tania. Tania is gonna entertain you. Merci, Tanta. Ça fait plaisir. Mmh. Au retour de la pause, on a encore une grosse pointe d'adresse à faire. Plus tard aussi, on va parler de swing, de danse. Oui, sur oui, pas d'odeur. Non, non, non. De danse. Quoi que, tu sais, quand je te dis que ce matin, j'avais de la difficulté, puis je suis arrivé tard, puis tout ça, oui. Puis j'ai oublié ma boîte de Kleenex, tout ça. Oui. J'ai oublié de me mettre du déo. Fait qu'approche-toi pas trop de moi. OK, c'est bon. C'est ça, mais ça devrait être correct. On va voir. De retour dans deux minutes. Restez. Un sondage de qui? Aujourd'hui, assemblage de qui? Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. L'Association générale des étudiants de l'UQTR collabore à la présentation d'Assemblage Reiki. Assemblage Reiki. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 14 janvier 2016, Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. On a détaillé nos affaires aujourd'hui. Oui. Là, il seulement est 20, mais en même temps, je pense que j'aurais envie de faire une longue chronique d'une grosse pointe d'adresse. Pourquoi pas? Ce serait le fun. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de fast-food. Très, très longtemps. On était compressé par le temps. Ben oui. Là, on ne le sera pas. Ça va être correct, le fun. Correct, ça. Donc, voici une grosse pointe d'adresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est chronique dans laquelle on goûte à des produits du commerce, que ce soit en magasin de détail, que ce soit en pharmacie, en épicerie. Justement, je dis pharmacie, je dis rarement le mot pharmacie, mais c'est que c'est à la pharmacie que j'ai acheté le produit que je t'amène oui. Aujourd'hui, Tania. Hey, j'ai hâte. En fait, ça fait un bon bout de temps, je l'ai acheté avant Noël, et je me suis toujours dit, il me semble que ce serait le moment parfait en janvier okay. De manger ça. C'est intriguant, hein? Tu m'intrigues. Parce que c'est le moment où, il me semble, on est fatigué, tu sais, après les fêtes, tout ça, on n'a pas nécessairement envie de travailler, tu sais. Ouais. Et, j'ai juste le goût de dormir. J'ai sorti mon sac de passé, c'est pas ça. Avoue que c'est quand même drôle. Oui, en effet. Donc, je t'ai apporté, et à moi aussi, du chocolat. Okay, ouais. Qui est supposé de te réveiller. Ouh! Oh, il est dans mes cute. C'est vraiment super cute avec un petit hibou dessus, donc c'est le Awake Chocolate. Caffeinated chocolate, donc chocolat caffeiné. Il y a 10 bouchées à l'intérieur du sac. Ok. Je l'ai pris à savoir de caramel. D'accord. En fait, avec du caramel à l'intérieur. Donc, c'est 10 morceaux emballés individuellement. Restez éveillés grâce au chocolat caffeiné Awake. Équivalent en caféine, donc le chocolat au complet est équivalent à une demi-tasse de café. Ah, ok. Parce que c'est ce qu'on en comprend, là, il y a un morceau de découpé en deux. Et c'est marqué égal à une demi-tasse. C'est pas la moitié du carré qui égale à une demi-tasse, c'est le carré au complet. Hein? Ouais, mettons. On dirait que c'est pas clair. Hein? Ouais, non, on dirait qu'ils disent que la moitié du carré, ça équivaut à une moitié. Parce que le chocolat est cassé en deux. Ouais. Mais je pense que c'est le chocolat. Je sais non, pas. D'après moi, c'est le chocolat complet. Okay, parce attends. Que là, t'imagines, une moitié de chocolat, ça équivaudrait à une moitié. Fait qu'un carré, ça équivaut à une tasse de café. Moi, je suis genre qu'on lise le texte et l'écrit en dessous. OK. Chacune de ces délicieuses bouchées renferme autant de caféine qu'une demi-tasse de café. Bon. Mais encore une fois, ça dit chacune de ces délicieuses bouchées, donc la bouchée séparée en deux. Parce que chaque chocolat vaut deux bouchées. Non. Je pense qu'on sépare les cheveux en quatre. vous devez travailler, mais manquer d'énergie, refaites vos forces avec votre chocolat caféiné au caramel. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'on le fasse un petit peu plus tôt que prévu, donc à 8h20, pour vraiment avoir jusqu'à 9h30. Juste à la fin de l'émission, on pourra, dans une heure environ, savoir si ça fait effet, mm-hmm. Je pense. Donc, haute teneur en caféine, 50 mg par morceau de 16,5 g, non recommandé pour les enfants. T'es pas une enfant? Ouais. 23 non. ans, ça va? Ça devrait aller. Les femmes enceintes, pas enceintes? Pas enceintes. Qui allaitent? Dis-moi, je sais c'est pas, ça. Mais non. Qui allaitent? T'allaites pas? J'allaite pas. Les personnes sensibles à la caféine, c'est pas toi, ça? Non, aucunement. OK, consommation maximum de 4 morceaux par jour. Oh! Quand même, hein? Ingrédients, ça commence par du sucre, bien sûr. Barre de cacao, liqueur de chocolat, miam, mm-hmm. Substance laitière, bon. Lécithine de soya, arôme de vanille artificielle, garniture au caramel. OK. Okay. Là, il y en a plein là-dedans d'affaires. Bon, caféine et vers la fin. Et ensuite, t'as mono et diglycéride de sucre sinilé. Peut contenir des noix et des arachides et du blé. C'est fait au Canada, distribué par Awake Corporation à Mississauga, en Ontario. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire là-dessus. Le slogan ici, avec le hibou, en anglais, c'est un jeu de mots. Ça dit « Ouh, c'est tired », comme « Ouh », comme dans « Ouh, ouh », comme un hibou ferait. Alors qu'en français, c'est « Qui est fatigué hein? ». C'est une traduction assez littérale. OK. Voilà. Je te passe le sac de « Awake ». Attention, dans le corridor où les accidents sont physiquement impossibles. Ouais, c'est ça. Sauf la dernière fois où j'ai fait tomber un café. Oh, excuse-moi, non, attends. Qu'est-ce non, que non, j'ai... non, c'est pas un café. C'est pas vrai. C'est un verre d'eau transparent. Allons dans le micro magique. On ouvre ces chocolats Awake. Ça s'ouvre comme un... ben, comme les pastilles. Là. Une fente qui se défait en lanière de plastique. Ah, oh, c'est tout emballé individuellement. J'ai regarde. J'ai dit tantôt. Ouais, je t'écoute. C'est ça, hein? T'es pas éveillé. Ouh! Ah, c'est emballé un peu comme un sucre à la crème. Ouais, mettons. Je vais te repasser le sac, mais je te le pitcherai pas. T'es un peu loin, Tania. Merci. On est ça trop loin. Il faut qu'on se lève. Ouais. C'est inacceptable. C'est quand même des grosses bouchées, hein? Ben, c'est pour ça que je me demandais si une bouchée était un demi-morceau, mais il n'y a pas de séparation dans le milieu. Donc, non. T'es supposé, je crois, le mettre dans ta bouche au complet. Je sais pas si tu vas peut-être le croquer, étant donné ta petite bouche de jeune fille. Mineure, allaitante et enceinte. Ah ouais, c'est ça. Et sensible à la caféine. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus de plus? Ouais. Non, c'est simplement qu'il peut contenir des noix, des arachides et du blé. Comme j'ai dit tantôt sur parce le sac. Ça, c'est du chocolat noir. On dirait, hein, à la couleur. Ça sent bon. C'est marqué meilleur avant. Ah, as-tu vu? Non. As-tu vu ça, Tania? Meilleur avant quoi? Meilleur avant novembre 2015. D'après moi, c'est encore bon, là. Mais tu sais, les pharmacies, des fois, leurs produits en pharmacie, c'est pas toujours. Bon, fait que si on meurt d'ici 3 heures, c'est ta faute. Est-ce que. Ah! C'est dommage bizarre, ça. Mais non, mais c'est du chocolat emballé individuellement. J'ai acheté en décembre. Il était même pas ouvert. Ouais, je comprends. OK, on y va? Prêt? Moi, je mets le morceau complet. Tu mets le morceau complet? Ça va être difficile de parler après, par contre. Moi, je l'ai croqué. C'est noir. Hein? C'est noir. Mm-hmm. Sirupeux. C'est comme dû à cause du caramel. Ouais. La saveur est bonne. La saveur est bonne. Ça fait très caramel, quoi. T'es-tu censé goûter le café? Je pense pas. Non. Non, mais il y a comme une petite distinction autre que le chocolat. Et que le caramel. C'est bon? C'est très, très bon. Ça goûte vraiment... ceux qui ont essayé la caramel au chocolat noir. Mm-hmm. Je trouve que ça goûte ça. Le caramel est pas trop sucré. Non, en effet. Ça se mange très bien. J'en mangerai une bonne douzaine. Pas t'as le droit à 4. Pas trop, ouais, c'est ça. Mais. 4, ça équivaut juste à 2 tasses de café. C'est pas si pire. Mais comme t'as dit tantôt, c'est ça, bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Excuse-moi, je suis pas très présent d'esprit aujourd'hui. Mais je trouve que le chocolat est trop gros. Il aurait dû être un petit peu plus petit, peut-être avoir moins de caféine. Ou peut-être le faire plus en bulle quand. Le caramel tout seul goûte pas grand-chose. Non, que tu l'as léché. Mais je trouve quand même que ça se mange drôlement, là, ces gros morceaux. Ça goûte, c'est très gros comme morceau. Tu peux pas tout te le mettre dans la bouche d'un coup sec. Ben, je l'ai fait. Mais tu trouves pas que ça goûte une peu... Grande bouche. Ouais, c'est ça. Merci. Ça goûte le chocolat solide. Tu sais, les lapins en chocolat de pâte. Typiquement, ça goûte ça, je trouve. Mais chocolat noir. Même là? Même là. Ça goûte vraiment, on dirait, le lapin en chocolat classique. J'adore cette saveur-là, moi. T'as raison. C'est vraiment très, très bon. Même que, pour vrai, pour du chocolat, caféine ou pas... On dirait que c'est luxueux comme. Là, on va te voir la différence d'ici quelques minutes. Ben, en tout cas, d'ici, j'imagine, 9h30. Est-ce que tu penses qu'on devrait en prendre 2 chaque? Ou pour faire trop? Une tasse de café, maintenant? Genre? Ça, c'est des pastilles, Mathieu. Ah, excuse-moi. Je te l'ai dit, je suis pas très présent d'esprit. Est-ce que t'en veux un deuxième ou pas? Toi? On pourrait tester. On pourrait, hein? À savoir si, mettons, comme dans 15 minutes, on se sent plus réveillé. C'est ça, parce que là, on va commencer à faire des nouvelles de fast-food. Et puis, dans une heure, on va pouvoir revenir vous faire une mise à jour après la chronique, après notre prochain contenu. Bonne idée. Donc, moi, je vais commencer les nouvelles de fast-food un petit peu. Et puis, peut-être qu'à mi-chemin, je mangerai le deuxième chocolat. Je vais attendre de quand même un petit peu avaler le premier. On aurait dû s'amener de l'eau, hein? Ouais. Commençons par Pizza Hut, qui a un nouveau magasin de vêtements en ligne et de foulards avec des looks pizza. Pour les vrais fans de Pizza Hut, un nouveau magasin de swag avec tout plein de choses, dont un foulard au pepperoni. Le pepperoni scarf qui mesure 60 pouces de long avec une seule tranche pointe de pizza au pepperoni dessus. Vous pouvez le commander pour 30$. Le site dit en petit caractère que ce n'est pas supposé être porté par les employés de Pizza Hut pendant les heures de bureau. Ah! Et que ce n'est pas un uniforme approuvé. Hey, tu sais, quand il faut que tu dises à tes employés de ne pas porter les produits que tu vends, ça va mal. Ils veulent la pizza sur la table et pas sur ton foulard. D'autres produits, c'est une casquette de baseball avec encore une fois une pointe de pizza au pepperoni. Je comprends pas qu'ils ont pas fait leur dress, la Canadian Bacon, etc. Ah, j'avoue. Hein. 13$ pour les casquettes en dollars américains. Non, c'est pas pire. Ensuite, d'autres trucs, des têtes d'oreiller, des bas et plus. Vous pouvez aller voir la boutique de Pizza Hut sur pizzahut-2.myshopify.com, mais le lien sur assemblagerequis.com. Et selon le site, tout l'argent ramassé par le magasin aux États-Unis va être donné au World Food Program. On dirait qu'il y a comme de la fleur de sel dans le chocolat. Ça se peut. C'est peut-être pour ça que je l'aime tant. Parce que pour vrai, là, je pense que je viens de tomber en amour avec ce chocolat-là. Ben, j'essaie de distinguer. Il y a comme un petit goût salé. Ils ont-ils pas la même forme, tous les chocolats, ou sont tous en genre de carré triangle? Non, ils sont tous en espèce carré de... triangulaire, en fait. Carré en anglais. Ouais, c'est en forme de hibou. J'avais même pas vu. Starbucks offre une carte cadeau Blue Steel avec des cristaux Swarovski. C'était pour Noël. Continuant la tradition des cadeaux luxueux autour de Noël, Starbucks offrait l'édition limitée des Blue Stainless Steel Starbucks Card décorées avec des cristaux Swarovski bleus pour 200$. La carte était préchargée avec 50$. Juste ça. C'est ça, le reste c'est pour les bijoux. Dans une boîte cadeau, une quantité limitée disponible dans certains Starbucks aux États-Unis et dans le magasin Starbucks Store en ligne sur store.starbucks.com. Le prix que contenait le shipping, en tout cas le shipping était gratuit sur ce 200$-là. Une ouais, les ventes étaient limitées à une seule boîte par client. On pourrait se demander pourquoi. Une carte cadeau brillante, mais quand même, ça s'est vendu assez rapidement. C'était tout vendu les années précédentes. L'on dit pas pour 2015, ça doit être à peu près la même chose. Il y avait aussi la même carte en champagne, donc la couleur, là, plutôt pendant la saison des fêtes cette année. Ben, l'année passée. Ah ouais, chez Starbucks, qui vend des lattés à saveur de gâteau aux fruits. C'est une drôle de face. Ouais, je viens de voir la dernière nouvelle de l'heure. Okay. Je suis comme traumatisée. Est-ce que c'est dans celle que j'ai appris faire ou tu veux la faire tout de suite? Non. Hey, l'acteur qui jouait Severus Rogue dans Harry Potter. Ouais. Il est mort. Ah non. Comme là, là. Wow! Là, c'est il est tout mort présentement. Moi, live. Je lance la bombe, boum, comme et, ça. Et on l'a en ligne. À la suite d'un cancer, lui aussi, à 69 ans. C'est bien triste. Comme David Bowie. Il pourra jamais goûter au latte, au gâteau aux fruits, Tania. Mon non? Dieu. Donc, le menu boisson des fêtes chez Starbucks à Hong Kong contient, entre autres, le nouveau Christmas Pantone Latte, à savoir de Panettone, les gros gâteaux, pain gâteaux qu'on peut acheter pendant les fêtes. Donc, c'est vraiment un gâteau à saveur de fruits, de gâteau aux fruits. C'est ça, donc Panettone, c'est la version italienne de Fruitcake. C'est pas aussi dense. Non, c'est bien meilleur qu'un Fruitcake. Meilleur qu'un Fruitcake. Je connais pas, j'ai jamais goûté et j'ai manqué ma chance. Hein. Il y en a plus de ça. Hein. Ah, il doit en rester, là. Ouais, pour vrai. Ok, faudrait j'aille voir ça. Donc, des morceaux de fruits qu'on associe avec Noël. La version boisson chez Starbucks a un sirop à saveur de beurre et de pain mélangé avec du lait à la vapeur et de l'espresso, un petit peu de crème fouettée et un medley de fruits séchés. La boisson est aussi offerte dans plusieurs pays asiatiques, dont Singapour, Malaisie et la Chine. Le menu des fêtes de Starbucks contient aussi un latte au pain d'épices, un mocha au Pepperman et un latte toffee nut. Pourquoi on n'a pas ça ici? Hein? Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais rien ici, Tania? Réponds-moi. Parce que les Québécois ne doivent pas consommer autant de café que le reste du monde. Non, je suis sûr que c'est faux. C'est que les Québécois sont plates en mort. Aussi, peut-être. Moi, c'est ça ma théorie du complot. Moi aussi. Ensuite, juste en bref comme ça, édition limitée de Pop-Tarts aux États-Unis à melon d'eau. Au melon d'eau et en plus frosted, là, glacé un peu. Donc frosted watermelon Pop-Tarts, ça s'avère artificiel bien sûr. Les Pop-Tarts au melon d'eau ne sont pas nouvelles, mais quand même elles sont de retour aux États-Unis en ce moment. Si vous aimez vos pâtisseries à saveur de melon d'eau, moi c'est sûr que ce serait une de mes préférées. J'adore la saveur artificielle de melon d'eau. Tu penses? Plus que le vrai melon d'eau, c'est vrai. Tu penses que ça serait bon dans une pâte? Mais ça. Un peu comme les jujubes à saveur de melon d'eau. Même chose. C'est pas enrobé de pâte. C'est pas enrobé de pâte. T'as raison. Et toujours une autre saveur américaine, c'est Frosted Maple Bacon. Donc, bacon à l'érable glacé, encore une fois. Donc, avec la petite garniture glacée dessus. On aime le sirop d'érable, on aime le bacon. Mis ensemble, ça a l'air malade pour moi. L'article dit que ça a l'air pas trop bon, mais moi, je dis que ça a l'air génial. Toujours dans les Pop-Tarts, bloc thématique ici. Biscuits au sucre, donc biscuits au pain d'épices un peu. En fait, non, c'est deux saveurs différentes, je m'excuse. Sugar Cookie et Gingerbread, séparément. Si vous cherchez des saveurs festives, hivernales pour vos Pop-Tarts et que vous êtes aux États-Unis, bien sûr. Donc, ils sont encore de retour en édition limitée au Sugar Cookie, donc les petits biscuits au sucre là, bien traditionnels, et pain d'épices. Donc, biscuits au sucre, c'est à la saveur de vanille, donc croûte à la vanille et intérieur à la pâte à biscuits. C'est ça, sugar cookie dough flavored filling, mm-hmm. ouais. Alors que celui au pain d'épices, c'est une croûte au pain d'épices et un intérieur crémeux. Mm. Ouais. C'est des saveurs limitées, comme on disait. C'est thématiquement coloré avec des petites bandes dessinées sur le dessus. Ouais, mettons. Donc, des dessins de Pop-Tarts supposément humoristiques, là, mais c'est aussi humoristique que des Bazooka Joe. Là. C'est là pendant seulement l'hiver. Et on peut les acheter dans des magasins comme Big Lots aux États-Unis. Mm. Ensuite, toujours dans le domaine des Pop-Tarts, ça c'est juste un à côté là, pour vous dire qu'il y a d'autres saveurs aussi. Selon Impulsive Buy, il y a des saveurs comme chocolat et caramel en ce moment. Ouais. Il y a limonade rose, tu sais comment je bois une limonade rose. Je prends une limonade rose à chaque midi à la cafétéria tellement je trippe dessus. Oui, mais ça là, en Pop-Tart, on dirait que je doute. T'es tellement... C'est à cause de toi que le Québec a rien à le faire. Ouais, ça doit être ça. Je suis désolée. C'est à cause de toi. C'est mais ça. Je me demande si ça donne un petit feeling dans les joues, là, comme les agrumes font. Je les sais petits. Pas, hein, peut-être. Mm-hmm. Bon, je pense qu'on a assez de parler de Pop-Tarts. Allons-y avec les Pringles. T'as parlé de caramel salé tantôt. Mm-hmm. Pringles au caramel salé, est-ce que ça t'intéresserait? Oui. C'est une saveur des fêtes. Alors, tu vois, ça me surprend que tu dises oui. Pourquoi? Ben, parce que t'aimes pas les Pop-Tarts, c'est une saveur spéciale. Pourquoi t'aimerais les Pringles? Pourquoi est-ce que t'aimerais les Pringles sucrés? Je dois avouer que... Je suis pas la plus grande fanatique de pâte. Tu sais, la pâte à Pop-Tart. J'avoue que c'est pas pour tout le monde, ça. C'est une drôle c'est de consistance. C'est comme la pâte à tarte. C'est vrai? Puis moi, la pâte à tarte, j'ai de la difficulté avec ça. T'aimes ça moins feuilleté, plus feuilleté? Il y en a qui goûtent le carton. Okay. Je trouve qu'une Pop-Tart, là, quand tu manges, qu'il y a pas... tu sais, c'est juste qu'il y a sur le tour, ouais. là, qu'il y a pas de petit glaçage, ouais. ça goûte le carton. Tu sais qu'il faut que tu l'enlèves de la boîte avant de le faire cuire. Donc, les Pringles à saveur de caramel salé, c'est exclusif pour les fêtes. Ils ont aussi ramené d'autres saveurs des fêtes, entre autres chocolat blanc, tortilla, version cannelle et sucre, OK? Tarte aux pacanes. Ça doit être bon. Ah, mais hein, et saveur de chocolat au lait. Évidemment, tout ça aux États-Unis, on n'a rien de tout ça ici, mais quand même, c'est exclusif à Walmart aux États-Unis. Peux-tu faire comme pour le Powerball, aller aux États et revenir juste avec des Pringles. Mais hein? Hey, ça vaudrait bien plus la peine qu'une chance sur 230, 280 millions. Oui, mais je te l'ai dit hier. Si tu prends pas la chance, tu gagneras pas. Hey, pour une fois que j'ai un Spotted on Shelves, donc spoté ses tablettes, mais au Canada, Tania, un produit qu'on peut se procurer au Canada, c'est le Orville Redenbacher, tu sais, le popcorn. En sac, mais ouais. Déjà pré-poppé, à saveur de Sweet Peppermint Gourmet. Donc, bonbon à la menthe, disponible au Canada. Bonbon à la menthe. Absolument. Ouais, OK, peut-être, ouais. Au Pepperman, un peu, tu sais, les bonbons lignés rouge et blanc. Oui, oui, oui. Donc, ça saveur de ça, zéro gras trans, source de fibres, popcorn, maïs soufflé, gourmet, bonbon à la menthe, disponible au Canada. C'est en plus que le Orville Redenbacher's, pas d'ajout de beurre, là, tu sais, ouais. qui soit comme ça, nature, là, mettons. Nature, ouais. Nature. Apparemment, si tu essaies de perdre du poids et que tu veux grignoter le soir, c'est excellent. Ah ben! Ouais. C'est santé, parce que ça, il n'y a pas de sel, pas c'est de beurre, ça. Pas de rien. Ça goûte pas aussi bon, par contre. Ouais. Oui, mais... C'est du popcorn pareil. Maintenant, un autre... On voit comment Mathieu et moi, on voit les choses différemment des fois. Vraiment, mais tu sais, c'est la guerre des sexes. Ben oui, et voilà. Hein? Une autre spotted, mais cette fois-ci aux États-Unis, de retour à notre bonne vieille habitude de choses qu'on peut pas se procurer, c'est de la gomme Hubba Bubba à saveur de hot cocoa, donc chocolat chaud au guimauve. Hein? Et c'est fait avec du vrai cacao. C'est par la compagnie Wrigley's, bien sûr, comme Hubba Bubba l'est toujours. Ah là, je suis pas sûr. T'es pas sûr. Y a une critique sur assemblagerequis.com que vous pouvez retrouver. Donc, c'est ça. C'est Hubba Bubba, Hot Cocoa, Bubble Gum. On devrait en essayer plusieurs. Attends un peu. Moi, c'est ça. Moi, je préfère. Tu sais, ça dit dans l'article. Ouais. Si je voulais mâcher quelque chose pour vraiment longtemps, un saveur de chocolat, je mâcherais des Toasty Rolls. Oui. Et moi, j'aime les Toasty Rolls. C'est très bon. En suçon, il y en a en jujube, en genre de bonbon mou. Ouais. C'est vrai que j'allais dire les Toasty Strudels. Les Tootsie Rolls ont une saveur géniale. Donc, bref, c'est 12 morceaux de gomme emballés dans une petite banque. Il y en a aussi en paquet de 5 aux États-Unis, les Hot Baba ou Hot Coco. Oh, c'est méchant. As-tu vu le dernier paragraphe de sa creuse? Non, je trouvais ça trop long. Qu'est-ce qu'il y a? Ça dit, après avoir mâché une pièce de gomme Hubba Bubba saveur de Hot Cocoa, pour faire cet article, je me rends compte que mes fêtes sont beaucoup moins brillantes et que maintenant, je me sens comme un enfant méchant. Ah non, il est viré evil. Il est rendu on the dark side. Mais c'est parce qu'il a pas aimé ça. Non. Fait que achetez-vous-en pas, McFlavian au Canada un jour. Ouais, c'est ça. Hey, je profite de ce moment où tu parlais pour manger ton morceau de chocolat. Un deuxième, oui. Juste pour qu'à 9h30, on soit vraiment sûr de pouvoir faire un petit wrap-up là-dessus. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Ouh, j'ai comme hâte que tu parles de la prochaine parce que je me demande vraiment. Oh non, finalement, je me demande pas c'est quoi parce que ça n'a pas tardé. Est-ce que tu veux m'aider? C'est quoi? Ben oui, certainement. Là, il y a des canettes. Attendez, le produit. Ça vient de Whole Foods Market qui viennent de prédire le top 10 des aliments, des tendances nourriture pour 2016 qui inclut du vin en canne. Ouais! Ça. Je fais des signes, caméra 3, merci Jésus. Tu sais, c'est vraiment le fun. Okay, je dis pas que tu vas t'acheter une canette de vin pour dans ton auto, mais je sais pas, moi, tu t'en vas en bateau. Ça paraîtrait pas là, devant un policier. Là, non, une canette c'est de vin sûr. Dans ton auto. C'est sûr. Mm. Ça passerait pour une canette de Red Bull, en fait. Tu t'en vas en bateau, tu t'en vas en moto. Non, pas en moto, pas tout conduit, OK? Tu t'en vas en moto. Tu peux-tu faire ça? Je sais pas. Mais non, parce que même si t'es en auto, tu peux pas consommer de l'alcool à droite. À droite? T'as pas le droit d'avoir d'alcool dans un véhicule qui roule. Ouais, mais pourquoi à droite? Mais tu sais, exemple, t'es en voiture, puis là, tu te dis, toi, comme étant passager, je me boirais bien une petite canne de vin. De Presto Sparkling QV. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est le Sparkling QV qui me fait douter. Ouais, puis ouais. Presto. Parce que ici, c'est Presto, c'est toutes des affaires. Un genre de magasin, vrac, un magasin en vrac de ça. Bouffe. Un genre de Costco d'épicerie. C'est ça. Ouais. Évidemment tendance? Aussi, il y a la viande et les poissons qui sont pas très, très communs, qui vont être tendance. Originaux. Mm-hmm. Ouais, originaux en 2016. Je sais pas si tu as lu, toi, un petit peu l'article avant. T'avais, jamais. des côtelettes de porc en T-bone, des steaks de Denver et des sirloin top. Je sais pas, c'est des coupes de viande que je connais absolument pas, donc c'est sûr que j'ai de la difficulté à traduire un petit peu, mais... Du blue catfish, j'imagine que c'est une sorte de poisson qui est rare. C'est ça. Et du pêche, j'ai aucune idée ce que c'est, mais des viandes originales. Ah ouais. Tout ce qui est fait à base de plantes, ça va être très, très in, ça a l'air, en 2016. Le shampoing et le revitalisant à base de plantes. À 97%. Ouais. Quand même. Rien. Arc. Ah ouais, c'est quoi ça? Je te laisse parler de l'autre. Nourriture fermentée et probiotique. Donc, encore une fois, chez Whole Foods, on voit le kimchi et le gochugang qui vont prendre la popularité en 2016 et des trucs plus de niche comme les betteraves chioga, chioga beet kraut et des toniques avec des trucs vraiment bizarres. On dirait que ça a été pris directement dans mon nez en ce moment. Mais là, c'est... Ouais, non, moi, je mangerai pas ça. Je peux vous l'assurer. Hey, c'est dégueulasse. Vraiment pas. les produits qui sont pas vérifiés pour les organismes génétiquement modifiés. Donc, apparemment qu'on est rendu à la saturation des produits génétiquement modifiés. Mais chez Whole Foods, on voit encore donc la place pour les aliments qui seraient pas génétiquement modifiés. Ouais. Particulièrement les protéines, les produits de protéines d'animaux. Donc, les œufs, le poulet, le porc et les saucisses. Le gras. Le gras? Produit. Quoi? Attends, excuse-moi, comment? J'essaie de lire. Le prochain? Ouais. Grass-fed, donc nourri au gazon. Ah, donc, ben oui, des tout produits, ce qui est... Ben oui. De la vache, entre autres, donc le lait, les œufs, le yogourt, le beurre, le fromage, les collations de viande par portion, là, genre emballées individuellement, et les poudres de protéines. Les poudres de protéines, là, ça, c'est comme un incontournable depuis une couple d'années. Hein. Tout le monde se fait des shakes. Le Popeyes hier, là, en allant chez le médecin, le Popeyes, il y a une boutique complète de ça, de petites poudres. Ouais. Ça m'attire pas. La nourriture déshydratée, Tania, va être à la mode. Ouais, mais surtout pas ce qu'il y a dans le petit sachet qui est devant celui-là, lui. Celui-là, c'est du jerky de saumon attrapé comme ça, wild caught, à 93% libre de tout gras. Saveur originale, donc on se demande s'il n'y a pas une saveur barbecue de ce jerky-là. Donc, on parle de banane, pomme, de mangue déshydratée, brocoli déshydraté, si ça en vient en 2016. Brocoli déshydraté. Des choux de Bruxelles, yark. Peut-être que ça serait meilleur. Yark? Non, vraiment pas. Moi, ça m'intrigue, le brocoli déshydraté. Oui, moi ça m'intrigue, mais pas l'autre, là. Le jerky de poulet, de jerky bison. OK. T'as le panais aussi. Ah, ouais. Qui s'en vient déshydraté. Le panais parsnip, en anglais. Mm-hmm. Donc, il y en a plein comme ça. Encore une fois, Whole Foods en fait dans son commerce. Ah, ben, mon Dieu. Ensuite, on pourrait avoir... Ça, je comprends pas trop ce que c'est, par contre. Genre, moi non plus. Le heirloom, j'ai aucune idée ce que c'est, mais c'est une sorte de façon de faire le légume, je crois, mais je connais pas assez ça pour en parler. T'as des farines sans blé, et donc des alternatives à la farine, donc des versions sans gluten, faites à partir de légumineuses, de grains, de noix. ça va occuper plus de place en épicerie. Et des aventures de saveurs. Donc, les experts chez Whole Foods disent que le marché du Old World Flavor, donc entre autres des saveurs coréennes, japonaises, asiatiques, du Sud-Est du Moyen-Orient, va être bien populaire, dont des chips au wasabi à la sauce soya. On a vu hier avec les Kit Kat à la wasabi. Absolument dans le top des nourritures, des bonbons et chocolats préférés à travers le monde. Ensuite, Caribou Coffee teste du café pétillant, un peu comme du café, si on veut, boisson gazeuse. Donc, on teste le Nitro Coffee, c'est une version un petit peu bubule de ton café normal, traditionnel, qui ressemble un petit peu à de la Guinness, donc dans le sens que ça va être du café très, très noir avec de la mousse sur le dessus. Une infusion de nitrogène qui va être mise à l'intérieur du café pendant qu'on sert le fût de café, si on veut. Donc, le Nitro Coffee, ça a l'air vraiment bon, hein? Je l'essayerais, ouais. Absolument. Donc, on peut même... le Nitro Coffee a gagné en popularité depuis quelques temps dans des plus petits cafés. On peut même le retrouver en canette. Donc, c'était évident que une grande chaîne comme Caribou Coffee aux États-Unis allait vouloir l'essayer. Peut-être que ça va arriver chez Starbucks dans quelques années. Ça ne me surprendrait pas du tout. On se demande pourquoi on voudrait boire du café avec des bulles dedans. Eh bien, les bulles, apparemment, font que le café goûte plus sucré et tu as l'impression qu'il est plus crémeux dans ta bouche. Selon NRN, le nouveau café est testé à deux endroits. Donc, la boutique de Caribou Coffee à Minneapolis, près de leur centre de soutien... par téléphone et à un service à l'auto de St. Louis Park dans le Maine. Minnesota ou Maine, Amen? Bref, à St. Louis Park. On prévoit faire ça dans 25 cafés à travers le pays en février. Voilà. Donc, évidemment, l'État Amen est l'État du Minnesota. Voilà. Parce qu'après ça, tu as Amen qui est Minnesota. Okay, ouais. Là, tu te demandes si c'est le Maine. Tu as MI, là, tu te demandes si c'est Maine ou Michigan. Là, tu es tout mêlé. C'est mêlant, en fait. On va chez McDonald's en Australie qui va, non seulement eux, des fois ailleurs dans le monde, on va retrouver des produits qui ressemblent à de la poutine. Aux États-Unis, ce qui est populaire, c'est les chili fries. Hein? Oui, vraiment beaucoup. J'ai jamais mangé ça. Tu as déjà mangé ça? Non, absolument pas. Ça ressemble un petit peu à de la poutine, genre italienne. Ouais. Un peu, mais évidemment avec de la salsa plus ça, que. Ça, puis du cheese fries. Oui, juste. Du fromage orange, genre salsa con dio. Ou genre cheese whiz. C'est salsa... Voyons. Quesadilla. Quesadilla. Mais il y a un mot pour ça. Maudit. La salsa con... Mais oui, la salsa au fromage. Je me rappelle pas du mot pour qui veut dire fromage. En tout cas, bref. Peu importe, le McDonald's en Australie ramène les loaded fries avec deux combinaisons, deux variantes. Guacamole et salsa et bacon et fromage. Dans le fond, sauce fromagée. La version bacon and cheese est assez standard. Donc queso. Salsa con queso! Salsa con queso. C'est ce que je cherchais. Merci, Tania. T'es incroyable. Bravo. Donc, bacon and cheese assez standard. Hein? Oui. Ensuite, guacamole et salsa, ça ajoute évidemment quelque chose comme de la guacamole et de la salsa. Non? J'imagine. C'est un petit peu comme des carne asada qu'on trouve dans le sud de la Californie. Les loaded fries, vas-y. T'essayerais tout ça, toi, de la guacamole avec des frites? À tous les jours. Ah ouais? Hey, je suis tellement ouvert. Là. Mais oui, mais ça... C'est bon de la guacamole. Ils pourraient se mettre à faire ça à cœur. Ils devraient faire ça partout. Inspirez-vous donc, d'ailleurs. C'est pour ça, s'il vous plaît. C'est la raison que cette chronique-là existe. C'est parce qu'on a envie de se donner des envies qu'on ne peut pas avoir. C'est ça. T'sais? C'est comme si je faisais une chronique genre sur les plus belles filles au monde. Ah, ouais, OK. Tu peux pas avoir ça. Mais là, ces repas-là, tu peux pas avoir ça. Mm-hmm. Keep on dreaming on. Dream on, dream on. Make a little dream come true. Donc, les loaded fries qui arrivent en un seul emballage ou encore en emballage double à partager, c'est disponible partout en Australie. Ensuite, Tania, ça, là, c'est le désespoir total. Ça revient un petit peu à dire les plus belles filles du monde, mettons. Des fois, là, les filles vont peut-être un petit peu trop loin pour qu'on les trouve belles en étant beaucoup trop minces. Hein? Ouais. Tu sais, ça arrive, c'est comme un haricot magique. C'est mental, on est désolé. C'est ça. Et il y a quelques mois, on a parlé de biscuits Oreo, plus minces que la normale. C'était les extra thin Oreos. Oui. Tu te rappelles? Oui. Portion avec très peu de calories versus les double stuff. Oui. Et là, tu as Nabisco qui arrive avec les even thinner wheat thins. Tu connais les minces aux légumes? Oui. Wheat thins? Oui. Thinner, encore. C'est très mince. C'était pas assez mince, les wheat thins. Hein? C'est une édition limitée. Quelle idée imbécile des biscuits qui sont déjà quand même bons pour la santé, qu'on va les réduire encore d'épaisseur, ça n'a aucun sens. Mais quand même, pour 22 biscuits, c'est juste 140 calories. Ouais, quand même. Mais tu sais, t'as vu qu'il y a une pile de 5 craquelins sur la photo et 5 craquelins de l'ancienne soft wheat thins. Juste, c'est à peine plus... Ça mesure comme la hauteur de genre 4. Ouais, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est plus mince? C'est pas juste l'air qu'ils ont enlevé de l'autre? Probablement. Je la sais fécule. Pas. 30 mg de moins de sodium. OK. Selon l'article, il est vraiment très, très, très long, là, mais c'est une boîte de 8,5 onces. Ils sont cotés 6 sur 10 selon The Impulsive Buy. Ça dit, bon, très goûteux. Ça dit, je ne les déteste pas. Plus croustillant, plus crispy que crunchy. Faire la différence entre crispy, qui veut dire pas mal croustillant, et crunchy, qui veut dire croquant. Ouais. Donc, entre croustillant et croquant, il n'y a pas une grande marge. Donc, c'est ça. C'est super bon pour regarder la TV. T'as l'impression de manger plus santé. Mais dans les contres, les désavantages, je te dis, idée stupide. Plus mince ne veut pas dire que c'est mieux ou meilleur ou plus empilable ou plus attirant. Donc, ça va faire craquer mon palais tellement c'est croustillant. Et ça me donne l'impression d'avoir déjà gâché mes résolutions de nouvel an. Et aussi, faut pas oublier que s'ils sont plus minces, qu'ils remplissent moins, tu vas manger plus. Fait que ça revient au même. Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils remplissent moins. Ça veut pas dire qu'ils... Ouais, t'as raison. Mais tu sais, là, on a des Oreo plus minces, on a des Wheat Thins. Est-ce que tu vas avoir des Chips Ahoy plus minces? Est-ce que tu vas... Il va falloir avoir toutes les autres biscuits plus minces. Avoir des chips plus minces, là, ça revient pas à grand-chose, hein? C'est ça. Ridicule. Tim Hortons. Oui? Va amener tout ce qui est caramel. Je sais pas si t'as vu passer la nouvelle, la bonne nouvelle. Moi qui aime tant le caramel. Ouais, c'est vrai, t'aimes bien le caramel. Je capote. Mon muffin préféré à la cafétéria est celui avec le caramel. Mm-hmm. Il appelle ça pas la rose, mais la fleur en épanouissement. Ouais, tu l'as dit l'autre jour. Voyons donc. La pétale. Si vous voulez l'essayer, donc en fait, je dirais de pas l'essayer parce que je veux qu'il y en ait quand j'y vais. Ouais. C'est le muffin dans un emballage rouge qui ressemble à une rose. Et à l'intérieur, t'as de la gelée de caramel ou du caramel qui est pas vraiment super caramel, mais quand même. Ouais, mais t'en as comme une pléthore de caramel dans ce muffin-là. Ça se mange à cuillère, bâtard. Mm-hmm. Bâtèche, ça se mange à cuillère, bâtèche. Honnêtement, ça a l'air vraiment cochon comme muffin. Faut pas que j'en mange trop souvent, un par semaine. Ouais. Mais bref, Tim Hortons a entendu mes cris et mes pleurs. C'est bien. La nuit. Et amène tout ce qui est caramel, mais dans une présence qu'on qualifie de massive dans les prochaines semaines. OK. Selon les sources, les pâtissiers de Timmy's préparent présentement une surcharge de caramel dans leurs boissons, leurs beignes et leurs muffins. Donc, tu vas voir des lattés à effusion de caramel, des beignes au caramel et des muffins, évidemment, remplis de caramel. Bon. Et là... Muffins remplis de caramel. Il va falloir t'aider au Tim. Hey, et probablement qu'il va être encore plus meilleur parce que le caramel va être un petit peu plus goûteux. À la cafétéria, je trouve que c'est pas... Et qu'il viendra pas de la cafétéria. J'espère que non. Mais quoi que c'est des muffins Quaker à la cafétéria. Ah, c'est vrai. Ils sont quand même pas mal bons, je trouve, ces muffins-là, pour vrai. C'est de la chasse-galerie. Bien sûr. Parce que c'est quand même de la chasse-galerie nos amis, là. Hein? Oui, oui. Bref, c'est ça. C'est un petit peu comme l'année passée où il y avait du caramel salé avec le latte suprême au caramel salé. T'avais le cappuccino glacé au caramel salé. T'avais les Timbits au caramel salé. Donc cette année, ça devient le caramel pas salé. Un petit peu plus normal, mais quand même tout aussi intriguant. Toujours chez Tim Hortons. Hey, Tania. Là, t'as déjà vu, peut-être même goûté leur hamburger au poulet croustillant chez Tim. Mm-hmm. T'as peut-être goûté aussi au steak chez Tim avec leur Steaking Good, là, leur campagne Steaking Good qu'on avait dit il y a quelques semaines. Et là, ils vont amener, attention, la saveur du moment, enfin la saveur d'il y a quelques moments qui sont un petit peu en retard. Mais le porc est filoché. Ça en vient chez Tim Hortons. Bon. Moi, j'avais pas encore vu passer ça, mais quand même, on nous dit que ça s'en vient dans les prochaines semaines. Sinon, si c'est déjà fait, je le sais pas parce que j'ai pas la TV et je regarde pas les pubs. Mais quand même, avec des oignons à l'intérieur, frais, pour encore plus de plaisir. Ça coûte environ 5$. Ouais, un petit peu plus avec cher. Un combo. Non, vraiment pas si cher que ça. Et on dit aussi que Burger King vient de sortir un sandwich au porc effiloché. Et moi, je l'ai vu chez Harvey's aussi. Donc, ils sont vraiment comme 2-3 ans en retard sur la mode du porc effiloché. Mais quand même. Félicitations à eux. Au moins, ils font l'effort. Voilà. On continue avec un autre Spotted sur les tablettes au Canada. Ouh. Oui, et là, on en parlait tantôt de saveurs de Kit Kat partout en Asie, qu'il y en avait tellement. On se disait, pourquoi qu'il n'y en a pas des originales c'est au Canada? Enveloppe-tu des nouvelles originales? Sont pas aussi originales. Ouais, ils sont pas aussi originales que Wasabi, mais. Mais une chose à la fois, on amène au Canada des Kit Kat à la menthe. Ça, je suis partante. Des Kit Kat aux biscuits et crème. Hein? Les Kit Kat sont produites, saviez-vous, c'est un fait insolite ici, sont produites par Hershey's aux États-Unis, alors qu'au Canada, c'est produit par Nestlé. Donc, on n'a pas les mêmes saveurs, on n'a pas les mêmes variétés, on n'a pas le même chocolat en tant que tel, parce que c'est du chocolat Hershey aux États-Unis et du chocolat Nestlé au Canada. Donc, grosse différence. Europe, Japon, reste du monde, c'est fabriqué par Nestlé. Donc, ici au Canada, on devrait avoir, j'imagine, le même chocolat Kit Kat que partout ailleurs, sauf qu'on n'a pas leur saveur hétéroclite. Mm-hmm. Voilà. Tu connais Jones Soda? Non. C'est ceux qui ont des liqueurs spéciales en épicerie, là, à la framboise bleue, ah, des trucs oui. comme ça. Ils ont tout le temps une photo de leurs fans sur la bouteille en avant. Ouais. Donc, Jones Soda va sortir une nouvelle édition limitée pour leur anniversaire, en célébration de leur 20e anniversaire. C'est à la saveur de Gâteau de Fête. Ah, cool. Ouais. Quand même cool. Donc, avec le reste de leur saveur, Jones Cane Sugar Soda contient 5% moins de sucre cette année pour refléter les préférences de leur clientèle. Jones Birthday Cake Soda va pouvoir être trouvé à partir de février dans quelques magasins aux États-Unis. On peut aussi les commander sur myjones.com ou jonessoda.com. Vous pouvez même créer une étiquette personnalisée pour votre liqueur. Et ça fonctionne, si je me rappelle bien, je l'ai vérifié l'autre fois au Canada. Donc, Jones Soda, oui, ils ont même un site en français. Leur slogan est « Let them drink cake ». Laissez-les boire du gâteau. Donc, vous pouvez commander, en effet, au Canada sur le site. Sauf que dans la version française, il n'y a pas la photo du gâteau de fête. En tout cas, je le vois pas en ce moment. Ah, t'as-tu vu le prochain article? Ben, Colin, veux-tu qu'on en parle? Ben, allons-y. Est-ce que tu savais ça, que McDonald's allait changer d'apparence? Ben, non. Ben, en fait, ils vont changer d'apparence, c'est non seulement ça, mais des fois, les apparences n'étaient pas timées à travers différents pays. Ouais. Des fois, t'avais pas le même emballage dans différents endroits. Ben là, le géant de la restauration rapide annonce sa nouvelle gamme d'emballages qui va voir le jour dans tous les pays où il est présent et pour laquelle plusieurs agences ont travaillé. Et c'est vraiment un look uniforme. Le nouvel emballage de verre et de sac. Ils sont tous caractérisés par de grosses lettres aux couleurs très vives. Le rouge et la célèbre arche en forme de M jaune ont toutefois été repris afin de conserver l'identité historique de la marque créée en 1955. Une initiative qui s'inscrit dans la stratégie générale de Steve Easterbrook, chef de la direction de McDonald's, qui souhaite en faire une entreprise moderne et innovatrice de la restauration rapide. La chaîne travaille à cette nouvelle identité visuelle depuis l'automne 2014, nous dit Infopresse.com, alors que ses ventes baissaient et que la direction cherchait une façon de rendre la marque plus excitante. Au début de 2015, une équipe s'est rencontrée à Londres. Plusieurs agences la composaient, donc la division allemande de Leo Burnett, l'américaine TBWA, le bureau de DDB à Hong Kong, ainsi que les firmes australiennes Creata et Landini, et les anglaises Boxer et Four People. Différentes idées sont nées de cette réunion, et il a fallu recourir aux consommateurs pour décider laquelle serait la gagnante. L'agence britannique Boxer a donc reçu le mandat d'en faire le design. Selon Mike Bullington, archiviste de McDonald's, ce changement est en continuité avec la constante évolution de l'identité visuelle de l'entreprise. Donc, parlons-en. On voit sur la photo qui mène l'article sur assemblagerequis.com que c'est extrêmement minimaliste. Ouais, c'est vrai. T'aurais pas pu trouver plus simple que ça. Sur les sacs, tout ce qu'on voit d'un côté, c'est le trois quarts du M. Ouais. Chopé sur le côté. Environ. Avec un petit onglet McDonald's sur le côté, un petit onglet genre qui est à l'intérieur du sac, rouge. Évidemment, le sac est brun, comme toujours. Ouais. De l'autre côté du sac, tu vois McD en haut, parce que McD, dans les marchés anglophones, c'est le surnom de McDonald's. Tu dis Mickey D's, McD. Donc, sur la deuxième rangée, tu as On, comme O-N. Mm-hmm. Hein? Et ensuite, All's. Donc, ça fait McD, On, All's, McDonald's. Pas séparé en syllabes du tout. Pour les emballages de produits spécifiques, tu pourrais avoir par exemple le Big Mac où le Big est à la verticale, le M est à l'horizontale, empilé par-dessus le Hack. Et le Egg McMuffin, tu aurais le Egg sur une ligne, le Mec et le FF à gauche et le U et le N à droite. C'est genre d'empilade, ouais. Si on veut, de lettres. Ouais, ouais, vraiment. C'est quand même bien fait, là, vous comprenez le principe. Le principe, le, oui, absolument. Le principe, le principe, on se dit c'est principe, hein? Ouais, principe, ouais, ouais. C'est en anglais, tu sais. Genre, parle en français, t'sais. Donc, quand même joli. Si on regarde l'historique de McDonald's, les premiers emballages de 55 à 61, c'était une petite mascotte en genre de bonhomme, si on veut, Pillsbury. Avec McDonald's écrit genre au stylo feutre. Ensuite, dans les années 60, 61, 62... J'aime bien les années 60. Ouais, c'est pas pire. Hein? C'était les arches, mais dans le temps, les arches se chevauchaient. Il y avait un milieu où les arches se chevauchaient. Et t'avais une ligne dans le milieu. Ça ressemblait plus à un pont. C'était dans un rond bleu. Et c'était écrit McDonald's. Pareil comme aujourd'hui, presque. La police était la même à partir de là. Dans les années 90, 93 à 95, c'était très, très, très années 90. Avec, ouais, McDonald's écrit vraiment grunge un peu. Genre, non, plus punk, je dirais. Ouais, quasiment. Et les dessins étaient faits au crayon levé. Par exemple, une frite autour du logo de McDonald's, ben, une frite, un emballage de frites. On connaît 95 à 2003, c'est classique, là, c'est le sac brun avec un genre de forme trapèze. C'est celui, si qu'on veut, a encore, d'ailleurs, non? Au Canada, non, parce que les emballages de Big Mac ne sont plus pareils. Non, ça, c'est une boîte de carton à l'époque. Ouais. C'est comme ciré. C'est comme ciré maintenant. Il y a eu une période aussi dans les années 90 où c'était du styromousse, les emballages de McDonald's. Bref, il n'y a pas eu beaucoup de changements à travers le temps, mais des changements qui en valent la peine quand ils en font. Je pense. Mm-hmm. Je pense qu'on va arrêter là. On a fait une vingtaine. Ben oui. C'est pas pire, ça. On arrête là. Mais t'es bon. Il va nous en rester. Ben oui, on a fait une super longue chronique. Je pense que c'est une de nos chroniques préférées à faire. Donc, ouais. pourquoi ne pas s'en, pourquoi s'en empêcher, voilà. Dans quelques instants, on devrait, si tout va bien, parler de danse swing avec quelqu'un qui va venir nous parler de l'école de danse très swing de Trois-Rivières, Jonathan Johnson, dans quelques instants. Mais avant ça, on se prend une pause musicale. On s'en va entendre. Allons-y avec, tiens, Pigeon Voyageur de Midi Cayenne. Oui. T'entends-tu? Cayenne comme caliente, comme c'est chaud, comme la nourriture qu'on mange. Ouh. Puis on vous revient tantôt avec la mise à jour du chocolat Awake. Oui, oui, oui, ouais, à savoir si on est réveillé ou non. Faut bien voir ça. Au cœur des plantes qui poussent. De ta assemblage requis. Aux yeux du temps qui passe. Devrons-nous avouer à la fin de nos jours avoir manqué d'audace. À la lueur de nos ardeurs. Au soleil de nos amours. À quand le souvenir de notre éternel retour. Que le quotidien nous égare. Que le printemps se prépare. Ne sommes-nous pas seulement que des vaisseaux de peau qui écoutent le vent. Nos mots sont des sons qui vont loin, mais qui n'expliquent rien. Ainsi les poèmes meurent d'envie de se lever dans nos mains. Oui, valse à tout vent. Yeah. Medicayenne, anciennement Medicayenne Club avec Pigeon Voyageur à Assemblage Requis. Il parle pas beaucoup, hein? Non, il se passe pas grand-chose à la fin de la chanson, je te dis. Dans quelques instants, on va parler un petit peu de musique swing, en bref, mais on va aussi acheter des gadgets sur Internet à Assemblage Requis. Restez là. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Visitez cifou.ca. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 14 janvier 2016, et Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Dans quelques instants, on va s'acheter des gadgets sur Internet, mais avant ça, parlons un petit peu de swing. Il y a quelque chose de quand même intéressant pour vous. La communauté swing ouvre ses portes cette semaine en permettant aux gens de la Mauricie de découvrir les rudiments de base du swing dans les locaux où se tiennent leurs cours, situés au 946 rue Saint-Paul à Trois-Rivières. Mais est-ce que tu savais que le swing est né dans les années 1900 à 1950? C'est large quand même. Comme... C'est... Ouais, on quand sait même. Pas. Là, on sait... C'est quelque part là-dedans. C'est ça. Après quelques décennies où le mouvement a perdu de la vigueur, il a connu une remontée de popularité au milieu des années 90. L'intérêt pour le swing a remonté. Une quinzaine d'écoles au Québec offrent maintenant des cours. Ah! Jonathan Johnson et Jacinthe Giroux se sont connus il y a 3 ans en donnant des initiations au swing dans un bar de Trois-Rivières. Ils ont mis sur pied la communauté swing à Trois-Rivières en offrant des initiations gratuitement au temps d'une pinte tous les mercredis soirs. Très swing, c'est le nom de l'école. Ça vous offre d'apprivoiser le monde du swing. Ce duo de professeurs et amoureux souhaite voir grandir la communauté de Trois-Rivières et créer une scène swing en Mauricie afin que le plus grand nombre puisse découvrir cette merveilleuse famille de danse et ainsi partager leur passion. Apprendre dans le plaisir et la bonne humeur. Jonathan affirme qu'il est heureux de voir croître petit à petit la communauté. Il y a des étudiants de l'UQTR, des jeunes professionnels et des gens à la retraite. C'est une danse qui rallie toutes les générations et nous espérons multiplier les soirées et les occasions de rencontre, dit-il. Puis les portes ouvertes ont lieu cette semaine et offrent à la population la possibilité de s'initier et d'assister gratuitement au premier cours d'introduction au swing, mardi de 20h à 21h et jeudi, donc ce soir, de 18h30 à 20h. Jacinthe rappelle qu'en plus d'être une activité qui permet l'amélioration de votre condition de santé, elle veut une activité sociale qui vous permettra de rencontrer des gens et de forger de nouvelles amitiés. Vous n'avez pas besoin d'arriver avec un ou une partenaire. Tout le monde est bienvenu. C'est ça. C'est l'école de danse très swing à Trois-Rivières. Ça a lieu ce soir, jeudi de 18h30 à 20h. On les remercie, même si on les a pas eu en entrevue, on a quand même joué leur rôle, je pense. Oui, je pense que oui. Si jamais vous voulez voir plus d'informations, il y a la page Facebook aussi de la Porte Ouverte. Donc, c'était un événement, j'imagine, si vous écrivez Porte Ouverte à très swing. Et si jamais vous voulez tous les contacts de cette école, eh bien, cherchez sur Facebook. Voilà, trèsswing.com. Trèsswing, c'est l'école de swing de Trois-Rivières. C'est voilà. Tout ça. Merci à eux. Voilà. Comme je disais, dans quelques instants, ce sera Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, mais avant ça, voici Marie-Pierre Arthur et Papillon de nuit au 89 FM. C'est vous. Marie-Pierre Arthur et Papillon de nuit à Assemblage Requis. Tania, est-ce qu'il te reste de l'argent un peu? Juste un petit peu. Est-ce que tu m'en passes? On y repassera. Ouais, c'est ça. Ça existe, ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets qu'on achète sur Internet et qu'on regrette instantanément. Commençons par des biscuits chinois avec des messages personnalisés. Ouais, ça, c'est vraiment cool. Hein? Amusez-vous avec vos invités lors de petits rassemblements amicaux. Après un repas, évidemment, on ouvre un petit message, un petit biscuit chinois, un fortune cookie. Et dans chaque biscuit, vous allez pouvoir écrire un personnage, un message personnalisé de jusqu'à 90 caractères qui va être affiché sur jusqu'à 3 rangées de texte. Hein? Okay. Donc quand même, tu peux écrire ce que tu veux. Ici, dans l'exemple, on a à quoi t'attendais-tu de gentils mots et des chiffres chanceux, espèce d'imbécile. Mm-hmm. Tout ça pour 35$ l'emballage sur fancyfortunecookies.com. Attends, l'emballage, ça contient de quoi? C'est ce que j'étais en train d'aller voir. Il y a un pop-up tout le temps qui apparaît un peu. Regarde, c'est donc bien des... Comment ce site-là est-il fait? Oh, des Dieu. Affaires qui apparaissent par-dessus sans cesse. C'est le fun, hein? 5 différents messages, donc 5 biscuits. C'est ça. Pour 35$. Pour 35$. Okay. Les messages sont mélangés au hasard, à moins que vous demandiez qu'ils soient séparés pour un total additionnel de 35$. Chaque commande vient avec des biscuits personnalisés, avec 5 messages différents gratuitement. Hein? Si tu commandes... OK, c'est parce que sinon, ça pourrait être un message pour ouais. les 5 biscuits. Exactement. D'accord, je comprends maintenant. Hein? Bref, les détails sont compliqués, mais ils sont sur fancyfortunecookies.com si ça vous intéresse. Ensuite, on a souvent parlé de façon de cacher son alcool. C'est vrai. Tantôt, on avait dans la chronique une grosse boîte en dresse, du vin dans une canette qui ressemblait à un Red Bull. Oui. On a déjà parlé d'un foulard avec un petit récipient à alcool. On a déjà parlé d'une sacoche, d'un sac pour ça. Là, c'est une mitaine avec à l'intérieur une gourde. Hein? C'est parfait pour les étudiants. Oui. Qui prétendent avoir froid. C'est ça, exactement. Vous battre contre le froid en restant au chaud, je crois, parce que l'alcool, ça peut. Je sais pas si ça. Ça garde au chaud. Ça ouais. garde au chaud, c'est pas mal ça. Donc en plus, ça protège vos doigts de la température. Et c'était évidemment un ensemble de 2 mitaines. Et c'est la main gauche qui est équipée d'une flasque de 3 onces pour pouvoir boire de votre pouce. Mm-hmm. Pour ceux qui ont le luxe d'avoir une main gauche. 20$ pour l'ensemble de mitaines. Hidden Flask Mittens. Ensuite, c'est des... T'sais, Tania, tu me vois venir avec ça. Tu sais qu'aujourd'hui, tout est intelligent. Oui. Hein? On a des montres intelligentes. Oui. Qu'est-ce qu'on a eu dans les semaines précédentes que je trouvais bizarre? Une bague intelligente, un bracelet intelligent. On a eu... Il y a quelque chose de spécial. C'était pas un collier ou qu'est-ce que c'était? C'était pas des lunettes. Des lunettes intelligentes. Bref, tout est intelligent. Il manquait vraiment, je trouve, les bottes bébés. Ben oui. Qui étaient encore complètement idiots, ces bottes bébés-là. Pas les bébés. Mais j'avoue que la raison pour laquelle tu les voudrais est intelligente. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, vous allez pouvoir vous calmer un petit peu en mettant les signes vitaux de votre enfant facile d'accès à travers ses bas. Hein? Donc, ça utilise de la pulse oximetry pour connaître les indices vitaux de votre bébé. Et c'est programmé pour vous envoyer une alerte par message texte si quelque chose tourne mal. Mm-hmm. Donc, par exemple, en portant ces petits bas-là qui sont un petit peu de couleur, un genre de bleu pastel. Ouais. Avec une petite, on dirait un genre de bijou, de suçon sur le dessus, hein, c'est ça, une pastille si on veut. Et la pastille contient un paquet de cossins électroniques dont on se fout en tant que ça marche. T'sais. Et voilà. Et ça envoie ça sur l'application qui a aussi le même bleu pastel. Et ça va dire son battement de cœur, son niveau d'oxygène, etc., etc. En termes de pourcentage. Et si ça descend en dessous d'une certaine limite, ça t'envoie un message texte. Donc tu peux dormir tranquille. Pour la modique somme de 250 bidous. Juste ça. C'est quoi? Tu sais, il existe aussi la vieille façon, là, tu sais, on appelle ça un moniteur à bébé. Ben, c'est aussi, crime, appelle à ton bébé, apprends-y à parler à plus de bonheur. Eh ouais, c'est ça. Non, mais force-toi. Eh, hey, c'est quoi, 2016? Comment de parler à 2 mois? Ensuite, si on reste sur le bébé, en fait, oui. on reste littéralement sur la peau du bébé, avec Fever Scout, qui va surveiller la fièvre de votre bébé de façon continue. Ah, ça, c'est bien, par exemple. Comme plusieurs maladies physiques, les fièvres sont mieux traitées si elles sont attrapées plus tôt. Mm-hmm. Donc, particulièrement pour les petits bébés naissants. Être capable de lui donner la bonne attention médicale au bon moment peut faire la différence entre, évidemment, s'en remettre rapidement ou avoir plusieurs jours de pleurs et de soucis. Fever Scout est un patch flexible mou que votre enfant porte sur sa poitrine en tout temps. Ça surveille sa température et l'envoie à votre téléphone intelligent. Et si jamais ça va au-delà de quelque chose que vous pouvez paramétrer, donc un chiffre paramétrable, eh bien, ça va vous donner une notification tout de suite. Ça va aussi générer un graphique de sa température à travers le temps, vous permettant de voir ce qui est efficace et ce qui n'est pas efficace. C'est pas fait pour être porté pendant plusieurs mois de suite, seulement quelques jours lorsque nécessaire. Et l'ensemble vient avec 10 patchs adhésifs grade médical. C'est disponible pour seulement 60$. Ça, c'est... Hein? Moins cher que l'autre. C'est bon, ça, c'est bon. Plus la peine. Et ça va être disponible bientôt, début 2016. Ouh. Fantastique. Ensuite, moi, j'aime beaucoup les arcades. Je trouve ça cool, les arcades. Mm-hmm. Je trouve que ça manque dans l'environnement culturel du présent. On retrouve moins d'arcades que dans le passé. Même si tout revient à la mode, les vidéos reviennent à la mode, il me semble que je vois pas autant d'arcades que j'aurais pensé pouvoir voir en 2016. C'est vrai. C'est dommage. Bref, le système d'arcade classique, c'est quelque chose de cool, mais c'est super gros. C'est des fois, ça prend de la place. Là. Eux, dans l'article, ils disent que c'est pas mal cubique et laid. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment très, très beau, mais bon. Donc, Polycade est fait pour, justement, compenser ces problèmes-là. Surtout l'apparence, l'esthétique. C'est un cabinet de bois construit par des professionnels de ça. Et c'est peint en utilisant un gun à spray là, mm-hmm. de peinture. Et c'est enveloppé d'un vinyle de dessin vinyle, donc collé okay. sur la surface. Donc, c'est un il y a des contrôles à deux joueurs qui va dans 8 directions. Et aussi un contrôle à un seul joueur qui va dans 4 directions. Ça couvre une variété de jeux, dont Pac-Man, Pole Position, Street Fighter 2, Sonic 2 et puis presque une centaine d'autres jeux. Ça fonctionne avec un ordinateur Raspberry Pi 2 modèle B. Ça, c'est des petits ordinateurs qui coûtent vraiment pas cher, quelques dizaines de dollars. Ah, ouais. C'est vraiment très très cool pour les cinémas maison, entre autres. Donc, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a une variété d'émulateurs pour jouer à l'Atari 800, au Game Boy Advance, Sega Genesis, NES, Super NES et plusieurs autres. C'est un design de l'enfant de Nolan Bushnell, qui est le fondateur de Atari. C'est son enfant qui a fait ça. Ben oui! C'est cool, hein? C'est sur Kickstarter. Il demande 1250$ par personne. Pour avoir le Polycade, évidemment, c'est pour les gens qui sont vraiment amateurs d'arcade. Ouais. Et ça coûte moins cher que de s'acheter tous les jeux d'arcade que tu voudrais avoir dans ton sous-sol. 189 contributeurs, c'est pas beaucoup sur Kickstarter, mais ça a donné un total de 125 276$. Il y en a qui ont donné pas mal plus que le minimum de 1250. Bref. Il y a quel âge, lui, Nolan? Nolan, ça, c'est le père, donc il est plus vieux. Okay. Lui doit être quand même assez âgé, d'après moi, Nolan Bushnell, s'il est son pas... Son fils... Né le 5 février 1943, Nolan Bushnell, son fils, on va aller voir ça. Oh, c'est pas son nom, hein, malheureusement. Ben, je cherche le mot « son » sur Wikipédia, et il y a plein de mots qui ont « son » dedans, mais il n'y a pas « son fils ». Dommage, je ne le trouve pas, désolé. Ensuite, tiens, pour ceux qui s'ennuient de Noël et qui aiment beaucoup boire de l'alcool, mm-hmm. c'est des bouchons de bouteilles de vin en forme de lumière de Noël. OK. C'est super cheesy, là. C'est vraiment fait pour être le plus risible possible. C'est les Lighted Holiday Bulb Wine Bottle Stoppers. C'est donc des stoppers et des toppers de bouteilles de vin qui ressemblent à des lumières, donc pas à la ribambelle de lumière, mais juste une lumière chaque. Ça se visse dans la bouteille de vin ouverte et ensuite ça illumine de l'intérieur en appuyant sur un bouton. Ah, quand même. C'est disponible dans plusieurs couleurs et styles. Donc, un emballage de 3 rouges, vert ou bleu. Ah, OK. Pour ces bouchons-là. C'est, moi, je trouve vraiment laid. Je tiens juste à dire que Nolan, là, ce fameux ouais. Nolan, il y a 8 enfants au total, fait que c'est un truc-là. Bonne chance hein, pour trouver c'est lequel. C'est ça. Les cadrans, il y en a plus bien des gens qui utilisent des cadrans physiques. On utilise souvent un téléphone cellulaire pour notre alarme, mais si vous vouliez avoir un cadran particulier qui ferait peut-être jaser les gens, c'est le Clapperboard Digital Alarm Clock. Tu connais les Clapperboards comme dans les films, on va faire, scène 3, prise 42. Ouais. Et là, on va claquer la clapette. Il y a un nom en français pour ça? Oui, mais je m'en souviens plus. Bref, madame, j'ai étudié en télé. Hein. Tu connais pas le terme. Mais on n'avait pas de clapper. Pas de clapette? Ça, c'est en cinéma. Ah, d'accord. Bref, c'est à télé aussi, Tania Menteuse. On mais utilise une clapette pareille à télé. Là. Peut-être pas dans les affaires en direct, mais dans dans les tournages d'émissions, là. Franchement. Bref. Mais ça dépend ton tournage, il dure combien de temps? Exactement, tout à fait vrai. C'est vrai. Bref. Peu importe, mais prenez-vous pour une vedette sur un plateau hollywoodien en vous réveillant avec ce superbe alarme clapette. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus simple. C'est vraiment comme vous connaissez l'appareil. Et dessus, t'as les heures, les minutes, les secondes avec la petite cloche d'alarme sur le côté. T'as la date, bon par exemple dans ce cas-ci, le 26 juillet 2014. T'as une place pour écrire ton nom de réalisateur au crayon feu, j'imagine. Et quand l'alarme sonne, tu dois clapper pour l'arrêter. Oh, c'est génial! Que c'est une bonne idée pour 71,55$. C'est le cadran très dispendieux que j'ai vu dans ma vie, ça. Voilà, mais ça va faire parler tout le monde. Oui. Ensuite, on retourne à l'alcool pour concocter un petit half and half en versant deux bières différentes dans un verre de bière à deux côtés. Un design innovateur, voilà. Fait à la main avec deux chambres indépendantes pour que vos deux boissons restent séparées jusqu'à ce que vous soyez prêts à boire, parce qu'évidemment, t'as deux chambres. Ouais. Séparé par une ligne de verre à l'intérieur. Tu verses tes deux bières et quand tu prends ton verre pour boire, les deux viennent se mélanger ensemble parce que la ligne ne va pas jusqu'en haut du verre. C'est pas un verre séparé en deux, c'est juste le j'irais... Ouais, le trois quarts. Ben, même plus que ça, sûrement un bon 80-90% du verre est deux chambres et le reste en haut est une seule. Donc ton mélange se mélange seulement lorsque tu bois. 35$ pour... est-ce que c'est pour un verre? Je sais pas. C'est pour un verre. 51,71$, c'est un verre à bière double, fait à la main de verre soufflé, réalisé sur commande. Et c'est disponible depuis dans le monde entier. En fait, ça vient du Tennessee. Ça doit être super si tu veux faire des shooters aussi. Ah oui, vraiment. Absolument. Cool. Une bonne idée. Et c'est vraiment joli en plus. Même vidé, il est très très beau ce verre-là. Ensuite. Ouais. Celui-là peut-être moins d'utilité pour la plupart des gens. Ouais. Ceux qui ont un cheval. Hein, vous vous sentez visé, ceux qui ont un cheval. J'en connais par contre, j'en connais. Oui, moi aussi, j'en connais, mais je suis pas sûr qu'elle mettrait ça après son cheval. C'est un peu, ça, c'est vraiment cheesy. Autant que la bouteille de vin avec une lumière de Noël était cheesy, maintenant, c'est une queue de cheval lumineuse pour votre cheval. Hein. Quand même, donc à moins de vivre en campagne, je sais pas comment vous faites pour avoir un cheval à Trois-Rivières. J'imagine qu'il y a des places pour ça. Non, il y en a des places pour ça même. Même que je me rappelle de plusieurs places maintenant. Mm-hmm. Sur le boulevard Saint-Jean, il y a des places, il y a des chevaux. C'est vrai. Bref. C'est le Tail Light System, un kit avec des lumières LED qui s'attachent à la queue de votre cheval et à son col, donc autour de son cou. Comme ça, on peut être visible des deux côtés, de l'avant et de l'arrière. Ça vient en plusieurs couleurs, sont commandés à distance. On peut flasher des patterns de lumière et différents niveaux de luminosité. Ça fonctionne pendant 9 heures sur une charge de 4 heures. Et pour les mettre sur votre cheval, ça s'attache à la base de la queue avec le Tail Light Tail Wrap qu'on clip et on peut s'en aller. 155$ qui est demandé. Évidemment, pour les amateurs de chevaux qui ont payé leur cheval pas mal plus cher que ça, ça doit pas être grand-chose, 155$. Non, en effet. Ensuite, un porte-caméra GoPro à 360 degrés pour donner à vos petits films à maison, vos films, vos home movies, mm-hmm. un petit quelque chose en plus avec ce rack à GoPro. Évidemment, il faut acheter 6 GoPro. Juste ça, à peine 100 quelques dollars par caméra, plus le rack de 530$. Ah, c'est ça. Hein? Le design vous permet de monter jusqu'à 6 GoPro dans chaque direction pour pouvoir capturer le cadrage, n'importe quel cadrage possible. Voilà. Ensuite, votre abonnement à chaque mois, on a parlé d'abonnement de bière, d'abonnement de vin, mm-hmm. on a parlé d'abonnement de jouets pour chiens à l'émission. Ouais. Maintenant, parlons d'abonnement de bonbons. Ah ben oui, bien évidemment. Oh, papa. C'est un incontournable dans une voilà. vie. Gardez votre dentiste bien occupé. Ouais, c'est ça. On parlait quel domaine tantôt. C'est ça. En ayant votre sucre livré directement à votre porte avec le Monthly Candy Subscription, à la place de brûler des calories en marchant jusqu'au magasin. Hein? Tout bien les faire livrer. Tout bien les faire livrer, annuler le tout. Voilà, pour 20$ pour cet abonnement-là, c'est un abonnement par mois. Donc 20$ par mois sur candyclub.com. Quand même simple. Ça dit « Amazingly delicious », donc étonnamment délicieux. Des bonbons premium livrés à votre porte chaque mois. Tout le temps des maudits pop-up de rabais hein, sur les sites ouais, de nos jours, on peut pas s'en sauver. Non. Et en plus, as-tu vu la nouvelle technique sur les coupons sur les sites web? T'as tout le temps le gros coupon qui apparaît en plein écran ouais, et un message condescendant. Ouais. C'est tout le temps genre non, je ne veux pas perdre du poids. Là, en ce cas-ci, c'est non, merci, je ne veux pas de rabais de 10$. Comme si tu t'allais te sentir mal de cliquer sur le non. Exactement. C'est spécial. Je suis d'accord. Ensuite, des verres de vin musicaux. Oh! Tu sais, on aime des fois... Hey, le... oui! Tu l'as-tu déjà fait? Oui, avec ton doigt mouillé. Oui. Tu fais la musique. C'est ça. Donc, il y a un petit peu de plaisir en relaxant et en buvant, en créant de la belle musique avec ces verres de vin, ces coupes de vin musicales. Donc, vous remplissez votre verre jusqu'à la note désirée. Évidemment, tu as des lignes sur la coupe de vin. Donc, tu fais do, ré, mi, c'est facile à ses dos. Évidemment, c'est en anglais, donc les A, B, C, D, E. Ouais. E, ça arrête à E. Non, il y a un F, je pense. E, F, hein? je suis pas musical, ben, mais pour 65$, pour tout ça, vous avez qu'à remplir votre verre à la note désirée, humidifier votre doigt et créer de jolis sons. Oui! C'est présentement indisponible sur Amazon, mais quand même, ça va revenir un jour. Ils ont tout vendu, c'est tellement c'est populaire. Hein? Voilà. Ensuite, l'organisateur de prise de courant électrique. Tu sais, des fois, tes fils... Tu vas les brancher, tu vas les laisser brancher. Mm-hmm. Puis là, ça gaspille du courant qui passe dans le fil. On a déjà entendu ces rumeurs-là que le courant passait quand même. Bon. Oui. Et là, tu veux pas que ton fil soit par terre. Tu veux pas le débrancher puis le laisser à terre. Puis là, non. Ton chat va commencer à manger le bout. Puis, C'est terrible, ça. Ben, c'est terrible, la vie commence vraiment. Oui. Donc, c'est un petit... C'est vraiment laid. J'ai averti ben. À l'avance. C'est un morceau de plastique caoutchouté, OK, qui est collé en dessous de la prise. Oui. Avec des petites genres de punaises. Et quand tu débranches ton fil, tu vas venir le snapper dans les punaises, si on veut. C'est intelligent. Mais je t'avoue que la couleur qu'il y a sur ce site-là... Vert fluo. C'est pas super cute. Mais si tu vas sur l'autre site, il y en a des noirs et il y en a des transparents. Merci pour la précision. Fait tout plaisir. Ça pour 8$. Pour un emballage de combien? Évidemment, deux. Voilà. Comme un noir et un transparent. Ben non, c'est un blanc. Blanc, pardon. C'est ça. Mais blanc, ça paraît pas quand ton mur est blanc. Ça? Oui, c'est ça. Ça a bien de sens. Ensuite, une ceinture ajustable, intelligente. Entrez dans le futur de la mode en mettant un petit accent sur votre ensemble avec cette ceinture intelligente. Hein? Tu sais, de nos jours, tout est ben intelligent. Oui. C'est quoi, si tu lui dis « détache-moi » En fait, ça surveille votre santé et ça va s'ajuster automatiquement pendant la journée, dépendant de comment vous avez mangé ou fait de l'exercice. Donc, votre ceinture va toujours être au bon niveau de serritude, de serration, de serroté. Est-ce que tu as vu? Non. T'as-tu cliqué? Non. Parce que c'est marqué bientôt sur Apple Store. Ben non! T'as raison! Hein, c'est incroyable ça. Hein, ça fait vraiment à Apple, j'avoue. Hein, ils vont contrôler la ceinture. Non, mais Apple va contrôler le monde, point. Ça s'appelle Belty sur wearbelty.com, B-E-L-T-Y.com. Live your life better. Et c'est présentement en précommande. C'est une ceinture high-end, donc de luxe. Et c'est le seul appareil portable autonome et intuitif qui intègre une intelligence artificielle pour vous créer un meilleur style de vie. OK. Ça vous envoie de bonnes vibrations. Ça a l'air que quand tu marches, elle va t'initier à marcher plus rapidement. Ah, OK. Quand tu montes des escaliers, ça va te faire monter les escaliers plus dynamiquement. Ouais. Puis quand que tu restes comme ça à rien faire, ben ça va t'inviter à boire plus d'eau et à te tenir plus droit. Bien droit. Hey, ça là... Une ceinture. Ah, puis elle peut te parler aussi. Intelligente, ça n'a aucun sens. Est-ce que c'est la voix de Siri si c'était associé avec Apple? Je sais pas, mais tu sais, t'imagines. Et tu peux recharger ta ceinture. Imagine que t'arrives chez vous le soir, faut que tu recharges ta ceinture. Mais tu y dis-tu, genre, ceinture, détache-toi, plate réponse. Non, ça me tente pas. Go, go, gadget, ceinture, détache-toi. C'est malade. T'as l'application qui te donne évidemment tes activités de la journée. Ça dit que c'est un ami qui vous tient en forme. Ça a été fait en France. Ah! C'est complètement français. Ça s'appelle Belty. Il aurait dû appeler ça un nom français. Une Belty. Une Belty, une ceinture intelligente. Et c'est fait de cuir, évidemment, de haute qualité. Disponible en plusieurs couleurs. C'est 395$. Hein? Hey, le punch, toi. Oh, excuse. C'est en brun ou en noir, en petit, moyen ou large. Et t'as une boucle, une strap, là, la ceinture en tant que tête. Oui. Tu peux aussi acheter une strap additionnelle. Tu peux aussi acheter une boucle et deux straps. Différentes couleurs. C'est disponible aux États-Unis, au Canada et en Europe. Quand c'est limité, shipping gratuit depuis le mois de décembre. Non! Oh! Ouh! Non. Seulement! Seulement en décembre 2016. Oui. On est vraiment à l'avance là-dessus. Hey, l'application est pour iPhone et iPad seulement. Ouais. Je pense que ça termine bien notre petit bloc. Je pense que oui. Voilà, de ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Nous, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On n'a pas eu de chroniqueur aujourd'hui. Non. Merci à toi, Thalia Baudin. Ça fait plaisir. Merci à toi, Mathieu Plante. Lundi, à l'émission, on va avoir... Ça va être le retour de nos chroniqueurs réguliers. Donc, lundi, on va avoir Samuel Girard qui va être là pour sa deuxième chronique à vie à 8h30 pour... dans notre émission. Deuxième chronique dans notre émission sur la politique, les actualités. Et à 9h, on aura le retour de Marie-Christine Perra pour parler d'exposition d'art visuel dans sa chronique Gratin et vin gratuit. C'est lundi entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes, plus tard aujourd'hui, on a le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Mm-hmm. Ensuite, en après-midi, la rediffusion du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je vais être de retour, mais évidemment en reprise. Ensuite de ça, les émissions viennent et partent en ce début de session. Je vous annoncerai pas grand-chose, sauf l'émission de ton père, Très Blues Assez Fou. Exactement. Qui est là ce soir à 19h pour évidemment du blues et des biographies de Steven Hubert. Steven Hubert. À chaque semaine, une biographie de Steven Hubert. Tu vas vraiment tout savoir sur Steven Hubert. À chaque deux semaines. Ah, c'est pas... Ouais. C'est pas ça. C'est un collaborateur qui vient et qui part. OK. Mais tu vas pas me corriger ça. Tu vas pas me corriger sur le fait que c'est des biographies de Steven Hubert? C'était ça le gag? Je sais. Explique-le. Non. Tania, des fois, Mathieu. Là, toi un jour, là. Mathieu Plante. M'a t'en sacré une. Je vais appeler la DPJ. Hey! C'est vrai que t'as juste 23 ans. Cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados de Fusion. Merci d'avoir été là. On se quitte sur une pièce de Marie-Pierre Arthur. Non, on l'a déjà fait jouer. Non, c'est de Tally Rose. Oui. Constellations. À lundi. Bonne journée. Bon café. Bye. Bye. Hey, c'est vrai, on devait faire une mise à jour sur le café. Oui, on devait faire une mise à jour sur le café. On est en forme? Tu te sens-tu plus réveillé? Je me sens bien. Mais j'ai quand même le goût d'un café. C'est ça. On affronte la journée. C'est bon. Bye. Bye. Smile, hold your breath on self.